Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de l'émission du lundi soir, c'est-à-dire calendrier, RGM, Radio Guémozo, Radio Libre, il en reste. Pas pour longtemps peut-être, mais il en reste. Hein, elle reste libre, encore un peu. Oui, alors donc le calendrier des esclavages et des libérations. Alors au programme de ce soir, le programme il sera plein comme un œuf, hein, bien sûr. Alors d'abord, il sera question de Durugy et les télés, Durugy qui passait beaucoup sur les télés. Ensuite, Jean-Yann et Daniel Prévost nous raconteront une histoire. Le titre de cette fable sera « Tu seras un flic, mon fils ». Si tu peux ceci, si tu peux cela, tu seras. Voilà. Histoire de la France-Afrique. Avec la voix notamment de Michel Rocard, qui a été Premier ministre, secrétaire national du PSU, et puis Premier ministre dans le gouvernement de François Mitterrand. Voilà. Ah, oui, on a tendance à oublier, même les grands hommes, on les oubliait. Nous sommes des ingrats, nous autres, les électeurs. Eh oui. Jean-Yann et Jacques Martin nous expliqueront quelle a été la naissance du twist. Rappelez le twist, twist again, etc., les années 60, 70, twist, le twist, ouais, Eh bien, Jean-Yann et Jacques Martin, des spécialistes et hauts spécialistes de la culture française, francophone et à quelque peu anglophone, eh bien, nous expliquerons comment le twist est né. Alors, ensuite, le CETA, un fléau contre la démocratie et le genre humain. Oui, eh bien, c'était voté par la majorité actuelle à l'Assemblée nationale. Oui, les amis de Monsieur Macron, enfin amis. On ne sait pas trop s'ils sont encore amis, hein, parce que ça va pas tarder à se gâter quand même. Il y en a qui ont commencé à prendre conscience du fait qu'ils s'étaient fait bien rouler dans la farine, hein, ces braves gens. Eh oui, ben oui, des gens qui ne connaissaient rien du tout en politique, c'est pour ça qu'on les avait choisis, pour pouvoir les manœuvrer plus facilement. Et ils commencent petit à petit à s'apercevoir que faudra quand même pas exagérer, pas trop se payer leur tête. Bon, maintenant, il y a encore une majorité quand même qui a voté le CETA. Voilà, ben ça c'est très grave. Hein, c'est un crime contre la démocratie et le genre humain. Alors, Raoul de Godvarsveld nous chantera en flamand, enfin, si j'avais su, j'avais resté, voilà, garçon. Si j'avais su, j'avais resté garçon. J'avais resté garçon, pardon. Ensuite, les autoroutes. Faut-il les privatiser? Ah, question. Est-ce que le contribuable, est-ce que le citoyen, est-ce que l'usager a intérêt à ce que les autoroutes soient privatisées? Ou pas? Ensuite, Edith Piaf nous chantera la foule. Ben oui, la foule des privatisés, la foule des privatisables, la foule des usagers des routes privatisées, des autoroutes privatisées. Rappelons que c'est pour lutter contre la privatisation des péages à l'entrée des villes, au passage des ponts par exemple, que l'ancien régime a été supprimé, notamment. Hein, bah oui, ça fait partie des... Donc, Edith Piaf, la foule qui parfois se met en route, la foule qui parfois prend conscience, la foule qui parfois arrête de subir et commence à agir, hein oui, la foule. Et puis ensuite, ben Jaurès, Zebda 2009, chanson, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et puis, Jean-Yann nous racontera Les Routiers, un sketch à deux voix, Les Routiers, quelque chose de très très culturel comme faisait Jean-Yann, bien sûr, hein, c'était de l'humour d'une finesse extrême que nous pouvons comprendre facilement sans faire trop d'efforts. Et voilà, c'est bien pendant les vacances, on fait pas trop d'efforts. Et oui, et Jean-Yann c'était le premier à avoir fait de la radio libre. Hein. Et oui, oui, il était très libre. D'ailleurs, pour ça qu'on a arrêté ses émissions à un moment donné. Mais enfin, bon, il a fait des films après. Il a fait d'autres choses. Il ne s'est pas arrêté. Hein, oui, oui, il était actif. Lui. Actif, lui. Il faisait des choses, lui. Alors, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, bonne nuit à tous. Au revoir. Le calendrier des esclavages et des libérations. Le 19 août. 19 août 1889, en Grande-Bretagne. La grande grève des dockers de Londres est une réussite grâce au soutien de l'opinion publique. La grande grève des dockers de Londres est une réussite grâce au soutien de l'opinion publique. Tiens, tiens, l'opinion publique c'est important aussi. Eh oui, mais l'opinion publique c'est la télé qui la fabrique. Et alors voilà, le nouvel unionisme s'avère efficace. 1896, Philippines, lancement d'un mouvement révolutionnaire de masse, mené par des ouvriers et des petits bourgeois contre le colonialisme espagnol. 1905, Russie, première concession insuffisante du tsar Nicolas II à la Révolution. Il annonce la création d'une assemblée nationale, qui s'appelait la Douma. 1911, Grande-Bretagne, fin de la grève des chemins de fer à Liverpool. 1934, Allemagne, après la mort de Hindenburg, le 2 août, Hitler assume en sa personne la chancellerie et la direction de l'État. Eh ben tiens, ben oui, la chancellerie et la direction de l'État. Le cumul des fonctions exprimé dans la formule « Führer du peuple allemand » est commandant des forces armées et soumis à référendum en ce jour. Il se trouve encore 5 millions d'Allemands pour oser aller voter non. il se trouve encore 5 millions d'Allemands pour oser voter non en 1934. Donc il y a toujours des gens courageux dans toutes les populations. 1936, URSS, à Moscou, procès des trotskistes. 16 hauts fonctionnaires et anciens compagnons de Staline sont accusés de haute trahison. Ils sont condamnés à mort et exécutés le 26 août. C'est le début d'une série de procès à sensation destinés à éliminer toute opposition. 1944, France. Dès l'aube, plusieurs centaines de policiers parisiens s'emparent de la préfecture. Le préfet, entré clandestinement dans la capitale, encore occupée, ordonne la mobilisation de tous les hommes de 18 à 50 ans. 1945, Vietnam. Début de l'insurrection contre le colonialisme français et l'impérialisme japonais. 1946, Japon. Formation du congrès pan-japonais des syndicats de l'industrie, Sanbetsu Kaigi. 1955, France. Ce vendredi, à Nantes, tous les cafés sont fermés. Un meeting syndical se tient à la Bourse du Travail. 20 000 travailleurs exigent la reprise des négociations et la libération des emprisonnés de la veille. Le préfet déclare que l'ordre sera maintenu contre tout. L'ordre sera maintenu contre tout. C'était en 1955, hein, pas en 2019. Hein, 1955. Et oui, vous voyez, les choses, parfois, il y a comme de l'écho, ça se répète, ça se recommence. Il faut recommencer à remettre sur le tapis toujours les mêmes choses. 1955, au Maroc, soulèvement des tribus du Maroc espagnol. 1971, Bolivie, coup d'état de droite et prise du pouvoir par le colonel Banzer à un moment où le régime Torres orientait le pays dans une révolution de type socialiste pacifique. Révolution. Tiens, il y a des idées là-dedans. 1979, Nicaragua, déclaration de la Conférence nationale des religieux. Elle affirme la joie de voir s'ouvrir une ère nouvelle pour le pays. L'allégresse de la libération a inondé les hameaux, les villes, les quartiers, les foyers dans tout le Nicaragua. Le peuple entier est en fête. Le Nicaragua tout entier a enfin pour lui traversé la mer Rouge en laissant l'esclavage derrière lui. Il marche vers la terre promise d'un Nicaragua libre et créateur de sa destinée dans le concert des nations. Mais là, c'était en 1979, hein, pas confondre avec 2019. Il n'y avait pas de Trump à l'époque, et tout ça, et de Macron, et de tout ce qui s'ensuit. 1979, Salvador. Après la victoire du peuple au Nicaragua, les grévistes de la faim, réfugiés à la cathédrale, hissent le drapeau rouge et noir du Front Sandiniste de Libération Nationale. La victoire du Nicaragua est devenue un symbole. En 1979, 1980, Autriche, le Conseil des ministres décide de ne pas exporter de chars au Chili. C'est une victoire acquise par l'action des mouvements de jeunes. 1981, Pologne, les imprimeries et messageries de presse se mettent en grève pour que Solidarité puisse avoir accès à la radio et à la télévision. Vous rendez compte ? Avoir accès à la radio et à la télévision. C'était en 1981, en Pologne, bien entendu. La nuit du 4 août. Eh oui, sur Internet, on trouve beaucoup de choses. La nuit du 4 août 1789, nuit de l'abolition des privilèges, point d'interrogation. Eh oui, moi aussi, j'avais cru ce qu'on nous avait dit dans les livres d'histoire, ce qu'on avait dit à l'école, que la nuit du 4 août 1789, bien, on a aboli les privilèges. Et que même la noblesse a voté pour l'abolition des privilèges. Hein, c'était beau quand même, quel bel élan de la population française, enfin unie, toutes catégories confondues, contre les privilèges. Eh bien, voilà. Mais oui, contrairement à une légende tenace, les propriétés seigneuriales et les droits féodaux n'ont pas été abolis le 4 août 1789. Voyons. L'Assemblée nationale a décrété que ceux-ci étaient simplement rachetables par les paysans. rachetables par les paysans. Pour se libérer du joug des seigneurs, les paysans devaient auparavant indemniser ceux-ci en leur payant l'équivalent de 30 années de droits féodaux. Rien ne change donc pour la grande majorité des paysans pauvres, incapables d'effectuer de telles dépenses. Il faut attendre juin 1793, pour que l'abolition des droits féodaux devienne effective, à l'issue de 4 années de guerre civile. Vous voyez comment on se fait arnaquer. Et à l'époque, il n'y avait pas la télévision. À l'époque, il n'y avait pas les journaux, les revues en papier glacé. Hein. À l'époque, il n'y avait pas... Ben oui. Le peuple se faisait rouler dans la farine. Déjà, encore et encore. Voilà. Si tu sais te servir, mon fils, d'une matraque, ce qui, dis-toi le bien, est parfois délicat, si un lazzi moqueur ou un rire te braque, si tu ne lis jamais Mauriac, Gide ou Kafka, si tu sais obéir et marcher sans comprendre, si tu peux harceler le conducteur d'auto, le rendre fou, le piétiner et le pourfendre, comme si de Satan il était le suppôt, si tu peux empêcher un gosse aux yeux candides de cueillir une fleur là où c'est défendu, si tu aimes sévir sans te sentir stupide contre des amoureux s'embrassant dans la rue, si chasser le voleur comme on chasse une bête exalte au fond de toi des plaisirs insensés, si tu peux sans trembler presser sur la gâchette et si tu peux viser sans jamais y penser, si tu peux sans rougir mais avec insolence tutoyer un vieillard suspect d'on ne sait quoi, et si tu peux gifler au cours d'une séance l'homme qui devant toi a peur et reste quoi, si fort de ton pouvoir et de ton beau costume tu peux brimer les gens et leur serrer la vis, si ton cœur n'est que fiel, colère et amertume, alors tu seras flic, mon fils. Je vous assure, c'est pas facile de présenter une émission avec Jean-Yann, il ne respecte rien. De cette façon-là, en lui disant « il a offert ma tête pour sauver la sienne », rien ne l'obligeait à faire ça. Elle aurait pu effectivement démissionner, se taire. C'est une haute... Elle est fonctionnaire. Oui, elle appartient à la haute fonction publique. Elle a une carrière tout à fait respectable. C'est elle qui a géré Notre-Dame-de-Lande sous le gouvernement. Absolument. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une bonne presse. Hein, donc on sent à travers tous ces mots-là la rancune, quelque chose qui s'est fixé autour de François de Rugy, et qui vient de tous les côtés. C'est franchement très, ça concorde. Bruno Jean-Marc, quelle est son image dans l'opinion? Est-ce qu'il a une bonne cote? Est-ce qu'il est indispensable à la Macronie en termes de popularité? Pas tant que ça, en fait, parce que quand on regarde, il occupe un poste, ministre de l'Environnement, qui est plutôt un poste populaire en général. Les ministres de l'Environnement sont généralement plutôt populaires parce que c'est une thématique assez consensuelle. Et Nicolas Hulot était particulièrement, c'était un des ministres les plus populaires du gouvernement d'Edouard Philippe. Et François de Rugy, quand on regarde nos indicateurs, il est plutôt à la fin. Il est en queue de peloton des ministres avec Christophe Castaner, ce qui est un peu plus... compréhensible pour Christophe Castaner qui a dû affronter un certain nombre de polémiques et puis aussi ce qui s'est passé dans la rue avec les gilets jaunes, les débordements. Donc il n'a pas une opinion très solide. Et il n'a pas une opinion très solide pour lui parce que, comme l'a dit Istréard, il n'a jamais eu vraiment l'ancrage ou le soutien dans un camp. Il était très clivant auprès des écologistes eux-mêmes. Il avait même participé à la scission d'Europe Écologie Les Verts entre ceux qui avaient quitté le gouvernement avec l'arrivée de Manuel Valls et ceux qui étaient restés, qui avaient fait une petite formation politique pour rester en soutien au changement de Premier ministre dans le quinquennat Hollande. Si vous vous rappelez aussi, il s'est probablement mis à dos quelques membres de la majorité, puisque à l'origine, quand il a été élu président de l'Assemblée nationale, il devait remettre son mandat en jeu à la moitié du mandat. Et sitôt élu, il avait commencé un peu à écarter ce principe en disant on verra, ce n'est pas forcément automatique. Donc je pense qu'il n'avait pas forcément le soutien et donc il n'est pas très soutenu effectivement dans l'opinion à cause de ça. Un peu perso, parce qu'il a un parcours atypique et puis il est aussi... Il faut le dire, il a une difficulté dans cette histoire, c'est qu'il est en charge d'une fonction, ministre de l'Environnement, qui en ce moment est compliquée, parce que c'est une fonction qui n'est plus une fonction aussi consensuelle qu'elle l'était par le passé, puisque c'est une fonction qui commence à demander des efforts aux Français. Demande de la sobriété. De la sobriété, de la frugalité. La frugalité, c'est pas forcément totalement en concordance avec les images qu'on a vues de ces dîners et avec ce qui est en train d'être renvoyé. Le homard, c'est ce pauvre animal vivant qu'on lance vivant dans une eau ébouillantée. Bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est difficile. Donc c'est évidemment, c'est un sujet supplémentaire. Elle est sortir puisque maintenant on en est à inventer, dit-il. Mais bref, ça feuilletonne. Voilà, alors effectivement, Édouard Philippe a demandé au secrétariat général du gouvernement de diligenter une inspection dès aujourd'hui, donc avec cette volonté, on sent d'éteindre l'incendie au plus vite. Alors, est-ce que ça va feuilletonner? Je pense en fait que ce week-end, ça va être un bon thermomètre. Beaucoup de députés rentrent en circonscription, des ministres vont faire des 14 juillet, vont être sur le terrain et vont se rendre compte de ce qui leur revient, de ce qui leur remonte. Un ministre disait, moi je suis sûr, le 14 juillet, on va me dire, alors le homard, il est bon au ministère. Et lundi, quand tout le monde va remonter à Paris, on va pouvoir prendre un petit peu la température de la majorité et savoir, alors les députés par nature sont assez volatiles, gazeux, ils ressentent tout ça très très fort parce qu'ils sont pris avec le terrain. Et on va voir si ce sujet va encore monter très fort dans la majorité. Et on ne sait pas d'ailleurs si Mediapart a d'autres choses encore sous la semelle. C'est vrai que Virginie Le Guet, c'est une image qu'on n'avait pas forcément de quelqu'un qui aime bien le luxe, mais enfin... qui aime bien vivre dans un appartement raffiné, puisqu'apparemment, Nicolas Hulot disait que l'appartement était dans son jus, et donc François de Rugy a éprouvé le besoin de faire 63 000 euros de travaux. Oui, alors, donc ça passe pour quelqu'un qui n'est pas austère. D'ailleurs, il passe de austère au homard. Ça passe pour quelqu'un qui a envie de vivre confortablement dans un appartement qu'il n'était peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, là où ça ne passe pas, peut-être, aux yeux des Français, c'est que c'est en complète contradiction avec son image. Moi, ça me rappelle l'affaire Fillon. Fillon elle construit sa carrière politique sur une image de probité, de sobriété, et quand il lui est arrivé ce qui lui est arrivé pendant les costumes à 14 000 euros. Jusqu'aux costumes, parce que n'oublions pas, les costumes sont arrivés assez tard, tout au long de ces développements infinis auxquels nous avons assisté pendant la campagne présidentielle. Là, je crois que c'en était fini. Il n'avait plus aucune chance. Il pouvait expliquer de différentes façons. C'était fini. Son image était définitivement abîmée. Et il me semble que celle de François de Rugy est très abîmée. Et que, quoi qu'il fasse aujourd'hui, quoi qu'il dise, on voit bien que l'enquête est rapide. Elle a commencé aujourd'hui. Elle doit durer une semaine sur ces fameux travaux. La déontologue va éplucher. Mais quoi qu'il se passe, il y a quelque chose qui est définitivement à mon avis compromis et qui pourrait entacher l'image de l'exécutif une nouvelle fois. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il Rugy se comporte comme un homme politique qui a ses responsabilités, doit se comporter, j'allais dire, doit se discipliner lui-même, ou est-ce qu'il a dépassé des bornes qui aujourd'hui ne sont plus acceptables? Et là, il y a une faute politique. Mais je dirais que là où l'affaire Benalla a été caractérisée d'entrée, l'affaire de Rugy, elle est plus dans l'appréciation que chacun se fait de ce que doit être le comportement d'un homme politique. Et Emmanuel Macron, qui s'est fait élire sur la promesse d'une république exemplaire, devrait penser que traîner cette affaire-là est un fardeau dont il n'a pas besoin, franchement. Comment il va faire à la rentrée pour engager des réformes aussi lourdes que celles qu'il veut engager, si les Français ont encore en mémoire ces fautes de quart, parce que c'est des fautes de quart de ces ministres. Mais Jérémy Marot, est-ce qu'on n'est pas aussi, quand on est ministre, rattrapé par ce décorum, par... ces cuisiniers qui sont à votre service, par cette cave qu'on dit exceptionnelle, bah finalement on se laisse porter. Et qu'il est depuis Jacques Chaban-Delmas. La République irréprochable se laisse tenter par les fastes et le décorum des hôtels particuliers que sont ces ministères. Oui, l'hubris est un alcool fort, comme on dit. Non. Oui, alors quand on connaît l'hôtel de Lassay, c'est vrai, où le protocole, les ors, les lambris, c'est particulièrement imposant, on se fait vite rattraper. Pour ça, et la fonction de président de l'Assemblée nationale est aussi une fonction de représentation. Et on le voit là à l'image, c'est un palais qui est vraiment solennel, imposant, et peut-être qu'on a mis en place ces règles. L'actuel président de l'Assemblée nationale, je crois, a dit que lui, pour sa part, il avait une vie monacale. Oui, probablement. C'est admirable. Pour mémoire... peut-être que l'erreur initiale, ou peut-être était-ce trop ambitieux, mais c'était cette idée de porter une loi de moralisation. Alors on peut disserter philosophie sur que vient faire la morale dans la loi, mais quand on porte une loi de moralisation, on s'impose à soi, on se lie les mains sur ce comportement exemplaire. Et d'ailleurs, le Premier ministre a tenu à enlever ce mot de moralisation dans l'intitulé exact du projet de loi, qui s'appelle « Rétablissement de la confiance dans la vie politique », mais l'idée initiale, c'est cette loi de moralisation. Donc les marcheurs sont arrivés au pouvoir avec cette promesse de moraliser la vie politique. Ils se sont liés les mains sur peut-être quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de tenir à la fin, puisqu'effectivement, on se fait rattraper par... Il s'est fait beaucoup d'ennemis, là. C'est Adrien Quatennens qui disait, pendant que moi je scanne mes tickets de la pizzeria d'en face, d'autres... Il faut arrêter la démagogie aussi, comme Madame Schiappa, qui dit qu'elle sort plus d'eau minérale à son ministère, et qu'elle sert de l'eau du robinet. Bon, faut quand même, au bout d'un moment, faut quand même arrêter cette dictature de la moraline, j'ai envie de dire, et de la transparence. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se font pas, et même en conscience, quand on est ministre, il y a évidemment des choses qu'on doit savoir ne pas faire. Thank you. le mot de démocratie est un mot merveilleux. Nous sommes tous abrités derrière la noblesse de ce qu'il suppose. Mais ça, le mot n'implique pas un très grand détail sur les variantes. Et nous avons proposé à l'Afrique une forme de démocratie qui probablement n'est pas celle qui correspondait le mieux à sa culture. Comment marchaient ces grands empires africains qui ont tenu 3, 4, 5 siècles chacun, en gros, tout au long de millénaires? L'instrument, c'était la palabre, l'assemblée de village, et sous la même forme, l'assemblée sous le baobab, l'image est très connue, mais ce qu'on oublie, c'est que ces assemblées de village envoyaient des délégués aux assemblées de région, qui elles-mêmes envoyaient des délégués à l'assemblée d'empire. Alors c'était long, c'était lent, et le processus de décision était l'unanimité. L'unanimité, c'est horriblement lent, mais ça a un résultat, c'est que n'importe qui peut mener la bataille verbale jusqu'à être pris en considération, écouté, et jusqu'à ce que ses intérêts soient pris en considération. Évidemment, c'est un procédé de gouvernement qui n'est pas compatible avec un changement rapide des techniques. C'est pas possible. Mais la vérité historique, c'est que l'Afrique a connu comme ça la paix civile, la cohabitation d'ethnies qui parlaient des langues différentes et qui avaient une religiosité différente. Mais c'est bien le colonialisme qui a, au fond, démoli tout ça. Comme nous autres colonisateurs, nous sommes arrivés en ignorant tout ce qui avait existé précédemment, puisqu'il n'y avait pas de culture écrite, donc pas de trace écrite de ces héritages. Nous avons tout reconstruit. D'abord, sous forme de gouvernement militaire, en l'absence de toute démocratie réelle sur place, et en créant un autoritarisme qui a été efficace pour faire des ponts, des routes, des écoles, des hôpitaux. Il reste des infrastructures que nous avons construites par le despotisme éclairé, d'une certaine façon. Et puis quand est venu le besoin d'associer tout de même les populations locales aux décisions et de prendre information auprès d'elles, on n'a pas pris assez attention, assez garde au fait que chez nous, les Occidentaux, et notamment les Européens, les partis politiques, ils ont 200 ou 250 ans de légitimité chez nous. Ce sont des partis politiques qui ont construit nos identités nationales partout dans nos pays. Ce sont des partis politiques qui ont construit nos démocraties. Les partis politiques en Afrique n'ont pris que deux figures. L'une, c'est l'organisation systématique de la clientèle du chef. Et l'autre, c'est la figure du support permettant une accentuation des signes d'identité linguistique, religieux ou ethnique. C'est-à-dire en gros le contraire de ce dont l'Afrique a besoin. Tout ne commence pas par le colonialisme. Cette histoire avant le colonialisme a survécu au colonialisme. Je prends par exemple tout ce qu'on peut appeler la vie psychique du pouvoir, qui s'est mise en place au moment de la traite des esclaves. On a assisté à une situation où le pouvoir politique s'est déchargé pratiquement de toute responsabilité. Et donc, la corruption dont on parle tant aujourd'hui, elle a des racines qui précèdent la colonisation en tant que telle. Je sais qu'il y a un débat en France aujourd'hui qui tend à dire, écoutez, la colonisation, au fond, c'était pas si mauvais que ça. Que c'était une bonne idée. Alexis Tocqueville, lui-même, le grand théoricien de la démocratie en Amérique, lorsqu'il écrit son ouvrage de la colonie en Algérie, il le dit. Il ne veut pas que des officiers qui ont été en Afrique reviennent ici gouverner le pays. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'ils ont acquis dans les colonies les habitudes d'un gouvernement, une sorte de gouvernement brutal, rude et grossier. Et il a raison. Que ces populations, mises au contact avec le progrès, sont envahies d'un désir croissant de voir s'élever leur pauvre niveau de vie dans un monde où certains sont en pleine prospérité, on se résigne de plus en plus difficilement à ne pas manger à sa faim, à souffrir des intempéries, à périr dans les épidémies, à végéter dans l'ignorance, et on veut avoir à son tour des terres bien cultivées, des mines, des usines, des routes, des chemins de fer, des ports, des avions, des bateaux, des écoles, des universités. Et comment les avoir sans le concours administratif, financier, économique, technique de ceux qui en ont les moyens? De Gaulle a donné les indépendances aux pays africains parce que c'était dans l'air du temps. Il voyait bien que la situation était intenable s'il ne le faisait pas. Et il a préféré prendre les devants et créer cette communauté qui n'a pas duré, et d'États indépendants liés à la France par un système compliqué d'institutions, dont un Sénat qui a pratiquement pas siégé. Est-ce que ça relevait d'un calcul? Est-ce que ça voulait dire que De Gaulle s'est dit « je donne l'indépendance à chacun des territoires d'outre-mer » et de cette façon-là, comme ce seront des États petits et en général pauvres, je les aurai à ma merci. En 1960, il y a eu donc transfert de souveraineté, c'est-à-dire transfert de l'État. Il y a eu, pour prendre les deux grands colonisateurs, la Grande-Bretagne et la France, il y a eu deux démarches différentes. Les Anglais ont lâché très tôt la main du protégé, l'obligeant donc à se débrouiller, d'où les premières crises extrêmement aiguës de l'Afrique post-coloniale qui se sont surtout déroulées en Afrique anglophone. Je prends le cas du Grand Nigeria avec la guerre du Biafra en 1968. Pendant cette période, nous autres, on était dans une espèce de cocon parce que la démarche française n'a pas été une démarche de rupture immédiate. Pendant longtemps, on avait, pour ainsi dire, des délégués de l'ancienne métropole qui continuaient d'appuyer, d'orienter la gestion de l'État et qui ont fait que, d'une certaine façon, nous, francophones, il faut le dire là aussi, sans biaiser, j'ai le sentiment que nous avons été un peu infantilisés. Les chefs d'État africains sont des obligés de la France et évidemment ça réduit considérablement leur marge de manœuvre dans leurs relations avec la métropole. Ils sont les obligés financièrement, ils sont liés historiquement. Le commerce de tous ces États africains francophones se fait avec la France, ce qui fait que la France a barre sur nombre assez considérable d'États africains, notamment ces anciennes colonies. Je me souviens d'une conversation avec Gaston Defferre que j'ai très bien connu après. Je lui dis, mais Gaston, pourquoi as-tu fait un tel découpage dont ils sont en train de crever aujourd'hui? N'aurait-il pas mieux été de faire simplement de très grands ensembles avec les infrastructures universitaires, par exemple? Et il m'a répondu, c'était en effet la chose à faire, j'y ai un peu pensé. C'était ça la réponse que m'a fait Gaston Defferre, mais c'était impossible, personne n'en voulait, ni chez les intérêts des colonisateurs, il y avait derrière nous des entreprises qui trouvaient commode de garder des clients locaux et qui voulaient pas être mélangés sur de trop gros ensembles, mais surtout à cause de la pression des autorités locales, et c'est ça qui a fait des pressions pour que on décolonise, on confère l'indépendance à des entités trop petites. Il y a une culture de la petite politique, politique boutiquière de part et d'autre. De la part de la France, effectivement, qui pensait qu'elle pouvait contrôler ces vastes territoires, mieux les contrôler en les divisant. À tort, la guerre des fédéralistes et des confédéralistes n'a pas eu lieu. En effet, la constitution de la communauté offre à tous les États membres plusieurs perspectives. Il nous appartient de faire appliquer dans la lettre et l'esprit cette constitution. Les dirigeants africains qui veulent être chefs chez eux. Tout le monde veut être chef. Et du coup, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Quand un enfant est devenu grand et qu'il a atteint sa majorité, il prend ses responsabilités et décide de fonder un foyer. Les parents s'en émeuvent d'abord, et puis ils acceptent, car les liens familiaux ne sont pas rompus. Le général de Gaulle est un bon père de famille, et c'est pourquoi il a accepté l'accession du Mali à l'indépendance. Senghor, au départ, imaginait une citoyenneté commune, franco-africaine. C'est ce qu'il imaginait au départ. Ou Fouette, certainement, lui aussi. Ce qui est arrivé à Senghor, c'est que lorsque il est avéré que la France n'en voulait vraiment pas, il a dit, bon, alors on met en place des ensembles régionaux suffisamment élargis et qui pourraient servir de pilier à la Renaissance africaine. Et depuis lors, on n'a pas vraiment réussi à créer une unité de volonté, une unité institutionnelle qui eût pu aider à dépasser le phénomène de la balkanisation dont souffrent ces petits États. C'est des États croupillons. C'est même pas des États. C'est des États qui sont pas viables. Il y a beaucoup de gens pour juger cette période en pensant que nous avons pratiqué le diviser pour régner et que c'était plus commode. Mais c'est une analyse un peu fausse et dans nos systèmes à nous, parce que le diviser pour régner est une manière d'organiser la compétition et le conflit entre ceux qu'on a divisés. C'était pas vraiment le cas, mais de fait, l'Afrique se remet mal de ces divisions excessives. Dès le début des années 60, une série de coups d'État perpétrés par les opposants aux régimes en place vient contrarier le décollage des jeunes nations désormais indépendantes. Au Sénégal, au Gabon, en Haute-Volta, au Togo ou au Dahomey, des crises à répétition mettent à mal les accords de coopération économique et de défense. Au nom de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants, l'armée française intervient. À Paris, le nouveau ministère de la coopération fait bonne figure. Des projets ambitieux démontrent que dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé comme des infrastructures, la France est solidaire de son ancien empire. Elle compte alors 8500 coopérants civils et 2600 assistants militaires. Mais c'est en coulisses que l'essentiel se décide. À l'Élysée, sous l'autorité directe du général, un homme, discret et puissant, incarne la politique africaine de la France. Son nom, Jacques Foccart. Foccart avait un énorme avantage, c'est qu'il connaissait très très bien l'Afrique, qu'il avait des relations personnelles avec énormément de dirigeants africains et qu'il les recevait, c'est bien connu, dans sa résidence de la banlieue parisienne et que il entretenait avec eux des relations très confiantes, mais en même temps, il était très, à l'occasion, très rude avec eux et n'hésitait pas à... On connaît les histoires quand même, il est l'organisateur de quelques coups d'État, Foccart, et comme l'a montré Pierre Péan dans son livre « L'homme de Londres », enfin c'est quand même lui qui a fait assassiner... Enfin, tout au moins, il n'a pas démenti y être impliqué. Il a fait assassiner un leader indépendantiste camerounais qui se trouvait à Genève, Félix Moumier. C'est lui qui a fomenté une série de coups d'État quand les dirigeants n'étaient pas assez souples vis-à-vis de la France. Et puis, De Gaulle était quand même au courant de pas mal de choses, puisque Foccart venait le voir chaque matin. Et donc, ils avaient trois quarts d'heure d'entretien, c'est-à-dire tout l'intérêt que le général De Gaulle portait à l'Afrique. Après avoir décolonisé, il fallait bien qu'on continue à exercer une influence sur ce continent. Cette influence est l'objet de bien des convoitises. Les États-Unis, mais surtout l'Union soviétique et la Chine, cherchent à exercer la leur. La référence au marxisme-léninisme réveille les espoirs révolutionnaires des jeunes générations. En Afrique, la guerre froide a des allures de tranchée, la France le sait. À l'ONU, le vote des États du continent noir pèse. Désormais, chaque voix compte. Dans l'Hexagone, l'opinion semble de plus en plus dubitative sur cette France-Afrique. Elle coûte cher, tandis que ses anciens territoires offrent un spectacle économique et belliqueux de plus en plus inquiétant. L'opposition de gauche, nourrie des thèses tiers-mondistes de Jean-Paul Sartre ou de René Dumont, fait vaciller les certitudes. La fin des années 60 coïncide avec le départ du général. La France est mal en point, l'Afrique aussi. À Paris, les étudiants sont dans la rue, mais à Dakar également. Quand Georges Pompidou arrive à l'Élysée, Focard est encore là, indispensable. Toutefois, le nouveau président cherche à imprimer sa marque. En 1973, il institue les sommets franco-africains. Quand Pompidou est arrivé au pouvoir, après le général de Gaulle, c'était une succession très lourde à porter. Pompidou n'était pas connu en Afrique et effectivement, il avait à conquérir le terrain et il s'est prêté évidemment de bonne grâce au jeu habituel. Le premier voyage à l'extérieur, c'est d'aller en Afrique francophone. 11 pays représentés, 7 chefs d'État, M. Pompidou pour la France, entouré des présidents Senghor, Sénégal, Yoweri Amani, Niger, Bongo, Gabon, Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, Lamizana, Haute-Volta et Bokassa, République centrafricaine. Le Togo et le Dahomey étaient représentés par leur ministre des Affaires étrangères, le Mali et la République du Congo par leur ministre des Finances. On peut regretter l'absence de 8 chefs d'État et de 4 pays qui a enlevé un peu de sa portée à ce sommet franco-africain. Le Tchad, parce qu'il souhaitait une réunion ministérielle avant le sommet. Le Cameroun, parce qu'il mène déjà de son côté des discussions avec la France sur la révision de son accord de coopération. Et puis aussi parce qu'il est bilingue. Enfin, Madagascar et la Mauritanie ne sont pas venues car elles sont sorties de la zone franc. Car même s'il n'y avait pas d'ordre du jour, les Africains francophones et les Français voulaient se voir, notamment pour parler de la zone franc. Nous avons été jusqu'ici presque excessivement politiques, et il ne faut pas oublier que toute l'Afrique noire vivait un drame du sous-développement, du mal-développement et même de l'absence de décollage vrai. Et il y avait beaucoup de raisons à ça. L'une est la corruption, l'autre est une espèce de drame qui s'est noué progressivement à partir d'un bienfait. Le bienfait, c'était le franc. Le franc CFA, qui a donc été créé le 26 décembre 1945, ça signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Puis très vite, on est passé, puisque les colonies n'existaient plus et qu'on était dans la France d'outre-mer, à communauté financière africaine. Ce franc CFA avait été créé à l'origine pour que les colonies françaises africaines, qui avaient eu des hausses de prix moins importantes que la métropole, ne soient pas pénalisées par la dévaluation du franc français et puissent recevoir des produits importés métropolitains à meilleur prix et exporté à meilleur prix également. Normalement, c'était une mesure circonstancielle qui aurait dû durer un temps très limité. Gérer une monnaie, gérer des finances publiques, etc. Comme l'ancienne puissance coloniale continuait au fond de suppléer un peu, par exemple, en ce qui concerne nos fins de mois, etc., nos États, d'une certaine façon, n'ont commencé à exister comme États véritablement indépendants qu'à partir du moment où la métropole a dit « ça suffit, il serait peut-être temps que vous deveniez adulte ». 173 ans après Napoléon Bonaparte, l'empereur Bokassa Ier, portant couronne, sceptre, épée et manteau de pourpre, a officiellement prêté serment. Un 4 décembre 77, dont on se rappellera à Bangui, il aura coûté 100 millions de francs, le cinquième du budget annuel de l'Empire centrafricain. Les fastes de Jean-Bedel Bokassa, comme ceux de Félix Houphouët-Boigny, irritent la France. L'intérêt personnel du président Valéry Giscard d'Estaing pour le continent noir ne fait qu'accroître les incompréhensions. Pendant son mandat, une succession de conflits éclate au Tchad, au Zaïre ou aux Comores. L'armée est en première ligne. Dans le même temps, le commerce de plus en plus visible des armes, comme celui du pétrole, contredisent les discours officiels sur les vertus de la coopération. Les présidents français, que ce soit De Gaulle, que ce soit Giscard, que ce soit Pompidou, ont fermé les yeux. La politique française en Afrique a été de respecter et par là même de consolider le pouvoir en place. Parce que ne pas le respecter, ne pas le consolider, ne pas entretenir de relations amicales avec un président africain, quel qu'il soit, quelles que soient les exactions du régime, quels que soient ses tares, ou, etc., c'était la peur bleue de perdre de l'influence en Afrique. Mais comme elle occupe une place importante sur l'échiquier africain et que elle se flatte aussi d'être l'illustration des idéaux révolutionnaires, elle se trouve véritablement en contradiction avec elle-même et avec ses grands principes de 1789. Et voilà tout le dilemme. François Mitterrand n'échappe pas au dilemme. Lors de son arrivée au pouvoir en 1981, sa déclaration de Cancun laisse penser que les choses vont changer. C'est Jean-Pierre Cotte, nouveau ministre de la Coopération et du Développement, qui incarne le changement. Jean-Pierre Cotte a été le premier des ministres de la Coopération des gouvernements de Mitterrand. Et donc, dans sa tête à lui, la France devait avoir pour obligation d'aider les pays d'Afrique à parfaire, améliorer la démocratie chez eux, au service du développement. Et ça a inquiété une bonne partie des élites africaines de l'époque, dont quelques chefs d'État d'Afrique, qui sont allés dire à Mitterrand, il est un peu dangereux celui-là. J'ai cru qu'il y aurait une rupture, et en particulier qu'il y aurait une rupture dans la politique africaine, et je me suis employé à la rendre effective. Et ça n'a eu qu'un temps. La relation qu'ont les dirigeants socialistes avec l'Afrique avant 81, elle est quasi exclusivement avec les oppositions africaines. Et ce n'est pas normal. C'est en général les jeunes contestataires africains qui ont la relation avec le Parti socialiste. En arrivant en 81, Jean-Pierre Cotte a en effet était en charge de la traduction politique de cette attitude oppositionnelle des socialistes par rapport à l'Afrique considérée comme étant uniquement dirigée par des chefs d'État clairement à droite et ayant une politique, on va dire, non démocratique. Jean-Pierre Cotte a été tragiquement remercié, et je crois que l'Afrique s'en porte plus mal aujourd'hui. C'est un drame. Parce qu'il nous a été demandé, au fond, de laisser l'Afrique à ses turpitudes. Ce changement est de courte durée. Les bonnes habitudes reprennent. Les chefs d'État africains, nous n'avons pas fait suffisamment ce que nous aurions... Notre devoir, nous n'avons pas fait suffisamment. Je me demande si parfois nous l'avons même compris. Et je crois que le débat contre les dirigeants africains doit se poursuivre, doit s'intensifier. Même si cela crée des remous, même si cela crée des soubresauts, seul le débat contradictoire permanent peut nous mettre sur la brèche et nous obliger à regarder de très près ce que désirent les masses. Et non pas les images classiques, académiques que nous recherchons, pour nous donner bonne conscience ou pour être simplement en conformité avec un Occident qui nous a inculqué des méthodes, des façons de voir, mais des façons de voir qui ne calculent pas forcément bien avec la réalité. Il faut un État, il faut le développement et il faut l'apprentissage des libertés. Alors je le répète, la France n'entend pas intervenir dans les affaires intérieures des États africains amis. Elle dit son mot. C'est pendant mon mandat de Premier ministre que François Mitterrand va faire ce discours de la Baule. Et il est quand même relativement clair que François Mitterrand, qui n'était pas pour rien dans des évolutions précédentes, là, bon, c'est un démocrate, a accompagner le mouvement en voulant l'amplifier plus qu'il ne l'a créé. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que le lien mécanique démocratie-développement économique n'est pas toujours établi. Vous constatez au contraire que le plus souvent ce sont des pouvoirs forts sur la base de gestion, je dirais, non démocratique, qui ont jeté les bases du développement économique. Chez vous, le Second Empire, ça n'a jamais été un régime démocratique. Vous voyez aujourd'hui la montée en Chine, en Asie, le pays le plus peuplé au monde, où l'économie explose littéralement. Mais on ne peut pas dire que la Chine soit un pays démocratique au sens où on l'entend en Occident. La démocratie est une bonne chose, mais c'est une chose, au fond, qui ne devrait pas être diffusée comme une espèce de prêt-à-porter. Thank you. Donc, l'équation démocratie égale développement que François Mitterrand a essayé de présenter comme un remède au mot de l'Afrique, et s'est révélée une fausse équation. Presque partout, vous avez une presse libre, et presque partout, vous avez instauré le multipartisme, et finalement, l'Afrique n'en va pas mieux pour autant. Alors, c'est évidemment un constat assez désespérant. C'est un constat assez navrant, à savoir que démocratie égale développement, ben ce n'est pas particulièrement vrai. Il faut que les bases économiques en se développant créent les classes qui portent les valeurs démocratiques, les classes moyennes. Le problème de l'Afrique contemporaine, c'est l'absence de classes moyennes. Nous nous trouvons dans des schémas où 90%, 95% qui n'ont strictement rien... 3, 4, 5% qui ont à peu près tout. C'est un drame extrêmement angoissant parce que la corruption atteint ici ou là des niveaux tels que tout développement soit impossible. Et on sait mal comment la traiter, puisque pour bien traiter la corruption, il faut des agents de police, des juges, des procureurs intègres, des gouvernants intègres qui veulent le faire, les commandants de la police, et des journalistes même intègres pour la dénoncer. Quand tout le monde est corrompu, évidemment, ça, c'est très difficile d'en sortir. J'avais rendez-vous avec le chef d'un État africain, mais très riche en pétrole. Chacun le reconnaîtra. Et à la porte du palace parisien où il va me recevoir, je vois une rutilante Maserati. Voilà, il est juste attiré en passant cette voiture. Pendant notre entretien, il va beaucoup insister sur ses difficultés financières et l'envie qu'il a de voir la France augmenter son budget de coopération. Mais en sortant, j'apprends que la Maserati appartient au fils du chef d'État en question, qui a d'ailleurs un appartement à l'année. J'ai regretté de ne pas avoir l'information avant d'aller le voir. Nous avons, nous les Occidentaux, accoutumé toute l'Afrique un certain standing des pouvoirs publics. Vous êtes chef d'État, il vous faut recevoir un peu. Vous ne pouvez pas. Il y a une logique d'entretien de cette corruption. Et donc l'important, c'est de taper très fort là où la corruption dépasse des 2, 3, 4, 5% sociologiquement très difficile à réduire. Il faudrait pouvoir tuer au-dessus. Enfin, mettre en prison, juger, condamner. Ce qui suppose un vrai courage des gouvernants, mais ce qui suppose qu'on les y aide. Il y a en outre, sur la corruption, une attitude des Européens, donneurs de leçons, avec bonne conscience, qui est assez peu pertinente. Il faut tout de même pas oublier que la France est le produit de 40 rois, 5 républiques et 2 empires, pendant lesquels nos meilleurs ministres ont été corrompus comme pas possible. Moi, personnellement, je suis fatigué de la rhétorique sur la corruption. Plus on en parle et moins on la combat. Peut-être faut-il des mesures simples, des mesures dans lesquelles la volonté d'appliquer les lois, de faire appliquer les lois, prévaudrait sur tout le reste. Une mesure simple fut prise en l'année 1994. Elle ne concerne ni la corruption, ni les droits de l'homme, mais la monnaie. Alors que les sous-sols africains recèlent officiellement plus de 90 milliards de barils en réserves pétrolières, c'est-à-dire presque autant que l'Irak ou l'ex-URSS, l'économie africaine continue d'être sous perfusion. Pourtant, les affaires marchent. 250 000 expatriés exercent désormais une activité dans les quelques 1800 entreprises françaises installées sur le sol africain, contre 120 000 40 ans plus tôt. Mais c'est une autre affaire. Sous la pression du FMI et de la Banque mondiale, l'emblématique franc CFA est brutalement dévalué. Le cacao et le café ivoirien vont redevenir bon marché, pour les négociants internationaux. Voilà la réalité froide et le pari risqué de la dévaluation du CFA. Il fallait 50 CFA pour faire un franc français. Il en faut désormais deux fois plus. Une dévaluation inévitable, dit aujourd'hui la France, après l'avoir longtemps refusée. Pour les 14 pays de la zone, le CFA monnaie forte parce que rivé au franc était devenu un handicap dans leurs économies sinistrées. Et plus question pour la France de jouer les tiroirs-caisses pour payer les fonctionnaires africains en fin de mois. Elle n'en a plus ni les moyens ni la volonté. À Paris, c'est la fièvre. La politique africaine de la France est le dos au mur. C'est, en apparence, un véritable séisme qui se prépare. Vous parlez de séisme et c'est exact. Il faut considérer que cette décision qui va être prise par les chefs d'État africains et bien évidemment avec le gouvernement français, ça ne va pas aller tout seul. Je connaissais déjà cette situation qui commençait à menacer. 81, elle va être en 94, la dévaluation. Et j'ai demandé que soit lancée une étude approfondie sur les avantages et les inconvénients pour tous les pays qui en étaient membres d'appartenir à la zone franc, y compris la République française. Et à peine cette étude était lancée que j'ai reçu du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Finances, qui était Jacques Delors, l'interdiction de continuer cette étude. Je me calme, je m'occupe d'autre chose, et les choses s'aggravent. Je deviens Premier ministre. Et par conséquent, je relance l'étude, en plein accord avec le Fonds monétaire international, d'ailleurs, qui me l'avait demandé. Et je me fais une nouvelle fois interdire par François Mitterrand. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose comme cela qui circulait, que la menace était là, on redoutait. Je crois que ça avait commencé officiellement depuis 1992. Les dirigeants africains, le président Houphouët-Boigny, le président Bongo et quelques autres étaient venus à Paris d'ailleurs voir le président Mitterrand et avaient obtenu une espèce de répit. Il y a eu déjà une première tentative de M. Bérégovoy auprès de M. Mitterrand en 92, où là on va dire il faut dévaluer le président de la République, écoute son premier ministre et reçoit à Paris trois chefs d'État, et pas des moindres, Houphouët-Boigny, le président Diouf, et le président Bongo. La réunion, je l'imagine, se déroule dans un climat sympathique, et résultat des courses, pas de dévaluation. Les chefs d'État africains ont eu raison. Le président de la République, comme je le disais tout à l'heure, le président Mitterrand, quelque part un peu africain, comprend ses pairs, et tout le monde repart, et l'Afrique continue à s'enfoncer dans une situation qui est catastrophique quand on arrive en 93. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'Union européenne, le magasin est fermé, les rideaux sont baissés, il n'y a plus d'argent. Le seul partenaire de l'Afrique qui continue à aider l'Afrique, c'est la France. On avait une monnaie totalement garantie par l'extérieur. On n'avait aucun problème de change. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Sauf que pendant longtemps, on pouvait nous balader avec des valises de CFA, venir ici à Paris, les échanger dans les différents guichets sans aucun problème. Et de toute façon, c'est Bercy qui faisait le travail. Les billets émis par la BCEAO, les deux banques centrales des deux zones économiques de l'Afrique, les billets de francs CFA repartent directement à peine arrivés dans les banques centrales. C'est un vrai pipeline qui s'organise. Ces billets repartent à Genève ou en Angleterre dans des banques qui vont ensuite revendre ces francs CFA à la France, et on voit une évasion de billets de milliards de francs CFA qui vont quitter le continent et des prédateurs se payer sur ce franc CFA que nous sommes obligés de racheter. En août 1993, le gouvernement de la République française interdit aux deux banques centrales l'exportation des CFA. Il faut convaincre les chefs d'État africains qui, déjà un an avant, sont allés chez le président Mitterrand et ont obtenu un délai supplémentaire. Là, on est vraiment sur le butoir, on ne peut pas continuer. Le Premier ministre français va avoir la volonté de réussir cela et va convoquer à Paris, ça ne s'était jamais fait, le patron de la Banque mondiale, qui viendra à Matignon, les responsables du Fonds monétaire international, M. Kandzu à l'époque, et là va mettre les bailleurs de fonds devant leurs responsabilités. Si nous obtenons des chefs d'État africains que l'on accepte la dévaluation, est-ce que vous reprenez vos décaissements? Est-ce que vous reprenez le chemin de l'Afrique? Est-ce que vous aidez de nouveau l'Afrique? Réponse désintéressée, oui. Il y aura une réunion organisée par le président de la République sénégalaise, Abdou Diouf, à Dakar, avec les chefs d'État, pour réfléchir ensemble à cette dévaluation. Et là, je vais vivre trois jours d'enfer, parce que je suis tout à fait conscient de l'effort qu'on va demander aux Africains. Il faut que j'arrive à les convaincre, moi, que c'est la seule solution pour s'en sortir et pour renouer avec un début de croissance, et que cette dévaluation va pouvoir booster certaines économies, que tout le monde n'en profitera pas immédiatement, mais qu'à terme, au niveau des régions économiques africaines, cela permettra de sortir d'une impasse dans laquelle nous étions. Et je vais avoir à faire ce parcours tout seul. Je ne sais pas si on a parié dans certains cercles parisiens, dans le village africain de Paris, si on a parié sur l'échec, mais c'est vrai que Jacques Chirac ne s'est pas caché pour me dire « vous trahissez l'Afrique ». Et je me souviens toujours du président Bongo me disant « Mais vous représentez quoi pour vous permettre de vous adresser à nous ?»« Cette dévaluation est une erreur. » Et alors, je le connaissais bien, et là, il n'y a plus de Roussin ou de Michel Roussin, c'est Monsieur le ministre, la République française, etc. Et ça va durer trois jours d'habitude. On se réunissait, il y avait des apartés, on se rencontrait. Et là, les Français, on est dans un coin de l'hôtel président à Dakar. On dîne entre nous. Personne ne nous adresse la parole. Pour les Africains, on est transparent. La presse est épouvantable. Et il faut progresser. Et je suis convoqué pendant trois jours pour de longues explications. Et je suis obligé de rendre compte à Paris. Et finalement, c'est le président Abdou Diouf et son ministre Sarro des Finances, ministre des Finances à l'époque, qui me dit « Voilà, c'est vrai qu'il faut y arriver, mais vous nous mettez le couteau sous la gorge. Il faut accompagner la dévaluation. Il faut faire quelque chose. » Et à partir de ce moment-là, j'ai moi communiqué directement avec Paris, avec Édouard Balladur, qui a accepté qu'on mette en place, je l'ai eu au téléphone, qu'on mette en place, et lui a exercé des pressions auprès de Bercy, qui était toujours, Bercy toujours réticent, pour qu'on mette en place un fonds social de développement, c'est-à-dire mettre en place des crédits immédiatement utilisables sur des opérations où le plus grand nombre de main-d'œuvre pouvait être utilisé pour que les plus pauvres d'entre ceux qui allaient souffrir de la dévaluation puissent quand même avoir une petite activité et qu'elle soit rémunérée immédiatement le temps que la machine reparte. Officiellement, les États membres s'étaient réunis à Dakar pour traiter d'Air Afrique, donc l'arbre qui cachait la forêt, n'est-ce pas? Donc on était là pour les problèmes de la compagnie multinationale Air Afrique qui malheureusement est morte de sa belle mort. Et c'est sur le coup donc la dévaluation a été annoncée sur place là-bas. Ça a été vécu très durement, très durement. Aujourd'hui, il y a toujours la parité fixe. En ce sens que nous sommes rattachés à l'euro via le trésor français, mais c'est plus tout à fait la même chose. Ce n'est plus la possibilité de sortir les billets de CFA, même d'une zone à l'autre, de nous balader avec. Ce n'est plus aussi la possibilité de faire des opérations comme on pouvait le faire avant. Aujourd'hui, il y a un contrôle d'échange qui passe par les transferts bancaires, etc. Et de toute façon, il y avait que ça à faire. Parce que plus plus on maintenait le franc CFA à un niveau intolérable, et plus il fallait subventionner la pauvreté, puisqu'il y avait interdiction de développement. Il n'y avait aucune espèce de choix, à mon avis. Et il est apparu extrêmement clairement que les États qui ont le plus et le mieux bénéficié de la dévaluation étaient les États les mieux gérés. Les rouages de la coopération sont grippés. En 2000, la décision d'intégrer la rue Monsieur au Quai d'Orsay est enfin prise. Le socialiste Lionel Jospin est à Matignon, Jacques Chirac à l'Élysée. Pas simple d'en convaincre le chef de l'État, pas simple non plus de l'expliquer au chef d'État africain, qui craignent une perte de statut spécifique particulier de l'Afrique par rapport à la France. Une des raisons aussi sur laquelle il est intéressant de revenir, c'était la volonté justement de la France de sortir d'une relation à l'Afrique limitée au précaré. Parce que jusqu'alors, c'était une espèce de règle de relation exclusive. La France ne dialogue qu'avec l'Afrique coloniale, mais en échange, les Africains ont obligation en quelque sorte à ne dialoguer qu'avec la France. Et c'est cet enfermement des deux parties, en quelque sorte, qu'il s'agissait de casser. Et je pense que ça a été un des mérites de la réforme, c'est cette ouverture de la France sur toute l'Afrique et des Africains, aux Africains, le droit reconnu d'avoir des relations avec d'autres. Pas facile de faire comprendre ça à la France-Afrique. Nous, quand nous venons ici, nous, les responsables africains, nous allons à l'Élysée, ils sont gentils, nous allons au Quai d'Orsay, ils sont sympas. Mais nous oublions souvent d'aller à Bercy, ils sont durs, mais c'est avec cela, c'est d'abord cela qu'il faut convaincre, ils pèsent lourd, pèsent vraiment sur les décisions. En subordonnant désormais son aide à l'engagement du FMI, de la Banque mondiale, mais aussi à celle de l'Union européenne, la France espère ainsi sortir d'un face-à-face de plus en plus éprouvant avec l'Afrique. Elle aura, depuis les indépendances, versé la bagatelle de 180 milliards d'euros d'aide publique à ses anciennes colonies, envoyé 28 000 enseignants en coopération, tandis que la moitié de la population au sud du Sahara, c'est-à-dire 320 millions de personnes, continue de vivre avec moins d'un dollar par jour. Malgré les velléités de certains États de rassurer les investisseurs en montrant l'exemple d'une bonne gestion publique, le continent noir continue de s'enfoncer dans le marasme. Au cours de ces 50 dernières années, l'Afrique a connu 186 coups d'État et 26 guerres. Sida, paludisme, dette endémique malgré les annulations successives, mais aussi calamité climatique, freinent toute espèce d'ambition. À Paris, l'intérêt du président de la République pour l'Afrique ne compense pas la faiblesse des moyens de la France à son endroit. Après s'être publiquement engagée à consacrer 0,7% de son PNB au développement, elle n'en consent toujours que 0,42%. La France est peut-être le seul pays du monde qui puisse inviter et recevoir toute l'Afrique. C'est parce qu'elle a de l'Afrique une perception qu'elle a pour l'Afrique une sensibilité, un souci permanent et historique. La France aime l'Afrique. Elle est heureuse quand elle la voit progresser, malheureuse quand elle la voit se déchirer. Eh bien, je considère que malgré certains exemples contre-productifs, malgré certaines crises qui existent et que l'on met en exergue à juste titre, malgré cela, il y a derrière, en Afrique, un vrai progrès vers la démocratie, un vrai progrès vers la bonne gouvernance, et donc un progrès vers le développement. Ce n'est pas par hasard si depuis 6 ou 8 ans ou 10 ans, la croissance africaine persiste à un niveau de l'ordre de 5%, et pour la première fois dans son histoire, cette croissance dépasse la croissance démographique. Ce qui est un signe fort du fait qu'il ne faut pas être systématiquement pessimiste pour l'Afrique. À l'aube du XXIe siècle, la France et l'Afrique continuent de se regarder comme avant. Pourtant, le monde bouge. La mondialisation de l'économie et de l'information change la donne, la pauvreté surtout. De 315 millions en 1999, le nombre de gens qui en souffrent devrait, selon l'ONU, dépasser les 404 millions en 2015. La tentation légitime des peuples du Sud de rejoindre la richesse du Nord est la plus forte. c'est que ceux qui en ont les moyens de plus en plus sont captivés par les formations en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Donc on n'a plus un pôle unique parisien pour l'Afrique francophone. Et il y a une troisième génération aujourd'hui qui ne regarde plus systématiquement vers Paris, qui s'en fout totalement. Ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, c'est l'explosion d'une diaspora africaine qui se trouve partout, en France, ici même, aux États-Unis, en Asie et dans plusieurs pays dans le monde. Et on y trouve beaucoup de gens qui sont prêts à travailler autrement, qui imaginent le continent autrement et qui ne l'imaginent pas coupé du reste du monde. Bien sûr, on ne peut pas, de manière responsable, demander à la France d'ouvrir toutes ses portes à tous ceux qui veulent venir de l'extérieur. Mais sa politique d'immigration est dépassée. Et là, c'est une politique à courte vue que de vouloir réglementer l'immigration et notamment les visas d'entrée pour les étudiants. Ça, c'est véritablement une politique suicidaire qui va à l'encontre de ce que devrait vouloir un gouvernement français, c'est-à-dire de maintenir une influence culturelle en Afrique. Le modèle français est devenu, je veux dire, parmi les élites africaines, un repoussoir. Ce qui est absolument dommage parce que la tradition française, dans ce qu'elle a de meilleur, a énormément apporté à un monde qui est devenu ce que l'on sait. Un monde où la recherche de puissance et l'exercice de la violence à l'état pur semble être devenu le leitmotiv et où on nous propose comme futur un régime de guerre permanente. Et dont la France a quelque chose à dire, un message propre qu'elle ne pourra faire passer que si elle sort de son narcissisme. J'étais invité à la réunion politique d'un parti français et j'ai entendu quelqu'un qui a pas toujours joui d'une très bonne réputation qui disait, écoutez, le problème de l'Afrique, le problème de l'immigration, la solution n'est pas de les chasser, la solution c'est de les aider pour qu'ils se développent, parce que s'ils se développent, ils auront moins besoin de venir chez nous. Et on peut comprendre parfaitement que l'instinct de survie justifie que des gens s'expatrient dès lors que ça tire, il y a l'insécurité. Le cœur du continent aujourd'hui vit cette atmosphère-là, et je crois que le retour à la paix, à la stabilité, fera peut-être que des cadres qui auront été formés à l'extérieur, qui se sont provisoirement expatriés, reviendront. Il faut espérer qu'ils seront accueillis de telle sorte que ce qu'ils ont appris à l'extérieur serve pour le développement. Moi, j'observe que nous sommes tellement près de l'Afrique, que nous avons une histoire tellement proche avec celle de l'Afrique, qu'il est impossible d'imaginer que nous nous fermions aux Africains. Ça, c'est clair. Ça. Et c'est vrai qu'il faut nous préparer à faire plus d'efforts pour intégrer mieux les Africains. Mais je crois surtout qu'il faut fluidifier l'échange. Moi, j'ai découvert beaucoup de sans-papiers qui sont en situation irrégulière parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de seconde chance de revenir. C'est-à-dire que, pour éviter un refus d'un deuxième visa, ils ne prennent pas le risque de rentrer chez eux. Ils restent en France. Lorsqu'on a en plus affaire à des traditions de migration, pays de Caï, au Mali, où c'est vrai que depuis toujours, le village exporte ses fils qui vit de l'argent que les fils exportés lui envoient. Il est normal que ce pays, ce grand pays, confronté à toutes sortes de problèmes, mette de l'ordre, par exemple, dans sa politique d'immigration. Mais il y a des spectacles qui choquent ce courant anti-français qui se développe en Afrique, parmi les populations, je le dis franchement, ce n'est pas une bonne chose. Et lorsque nous en parlons à nos partenaires français, c'est surtout pour leur dire, quelquefois, mettez-y la forme. La médiatisation de Saint-Bernard ou d'autres phénomènes récents, parce qu'aujourd'hui, malgré notre misère, il y a une mondialisation de la communication des médias, n'est-ce pas ? Même dans les derniers villages du continent, on écoute la radio. Dans beaucoup de villes, on a la possibilité de regarder la télévision, même chez le voisin. Il ne s'agit pas de vous demander d'ouvrir vos frontières naturellement comme vous le voulez, vous avez des responsabilités d'État. Il s'agit de faire de telle sorte qu'on essaie de se mettre sur un minimum de règles qui sauvent la dignité. La dignité de l'Africain comme la dignité du Français. Vous imaginez ce que serait aujourd'hui en Afrique une situation de maltraitance de ressortissants français. L'opinion française aurait totalement raison de rejeter cela. D'où viendront les énergies? Comment les rassembler? Comment les identifier? Comment les mobiliser? Il faudrait chercher ailleurs, dans une espèce de nouvelle coalition entre les acteurs culturels, les petites communautés qui se construisent et qui luttent au quotidien pour améliorer leur cadre de vie, et les réseaux internationaux de solidarité, sans lesquels tout cela est voué à l'échec. Peut-être faut-il creuser encore et chercher, à côté des volontés intercontinentales de coopération, des rituels et des arrière-pensées franco-africaines, matière à espérer. Il existe une Afrique qui marche, celle des élites, des artistes et des écrivains qui nourrissent l'Occident de leur imaginaire fécond. Comme il existe une France décentralisée qui cherche, à travers ses collectivités locales, les centres culturels ou les ONG, à parfaire d'authentiques solidarités. Loin de l'ONU, des conclaves gouvernementaux et des profits pétroliers, des hommes et des femmes qui partagent en commun la langue française cherchent à se comprendre et à changer le cours des choses. Encore faut-il viser juste et bien. Donc les gens, ils envoient les livres sans tenir compte du goût des lecteurs. Bon, et là, nous, on essaie de corriger cela en disant aux villes jumelles, donc, il faut toujours tenir compte de l'avis des lecteurs, et ça c'est très très important, sinon on risque de déployer des efforts au nord, à l'Occident, déployer des efforts pour vous trouver ces livres-là, malheureusement ces livres ne seront pas adaptés. Comment voulez-vous développer un pays si vous ne connaissez pas profondément les peuples qui habitent ces pays-là? Parce que ces peuples, ils ont des conceptions différentes. Quand on vit à Paris, on s'enferme tellement dans des choses et que on croise les gens, on ne les voit pas, on ne leur parle pas, que là, oui, un simple sourire déclenche plein de joie et de bonheur. Comment expliquer le décalage entre ce sourire en pointillé et la brutale réalité politico-médiatique de ces rapports, souvent crispés, qu'entretiennent la France et l'Afrique? Si l'histoire reste, le monde change. Mais il se rétrécit. De part et d'autre, des esprits éclairés viennent rappeler au peuple que l'humanité est en danger, que nos destins plus que jamais sont liés. Si, sur l'échiquier de la planète, tous les coups sont permis, le moment est peut-être venu de remettre les pendules à l'heure et de comprendre, ensemble, que désormais, c'est une autre partie qui s'engage. Chère patrie, notre joie et notre vie, voilà nous et le grand honneur. Le twist, ce n'est pas vous qui l'avez inventé. En effet, sur la mer Méditerranée, 16 ans et 3 mois avant Jésus-Christ, une galère avance lentement. Ramez ! Ramez ! Ramez ! Ramez ! Ramez ! Allons plus vite que ça, bande de feignants ! Sinon, vous allez connaître le bout de ma bâtisse. Oh, ouais, ça va comme ça, hein. Oublie-nous, Tu nous fatigues, Albert. Donc quoi, qu'est-ce qu'il y a en rouspète? Ouais, parfaitement en rouspète. C'est pas parce qu'on est des galériens qu'il faut nous traiter comme des forçats, non? Mais de quoi tu te mêles, toi? Qui tu es? Bélure! Stop! Je suis le délégué du personnel. Les camarades et moi, on a décidé de débrayer si on n'a pas une double ration de choucroute les jours de grand vent. Ouais. Et puis on veut pas ramer plus de 40 heures par semaine. Ouais. Salut à toi, Triba Twistus. Ton salut t'est rendu, Centurion. Que se passe-t-il? On a des ennuis avec le personnel, ils veulent se filer en grève. Ouais, parfaitement, on veut se filer en grève, on a le droit. On a le droit aux droits sociaux, nous aussi, ouais, alors, la sécurité sociale, on l'appelle. On l'appelle, on fait une autre accusation, il n'y a pas de raison, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? On fait quelque chose d'accord. Vous le voyez, les choses n'allaient pas très bien 16 ans et 3 mois avant Jésus-Christ sur les galères romaines. Mais quel rapport cela a-t-il avec le twist? Attendez un peu. Quelques jours plus tard, en vue des côtes grecques, Ramez! Oh, y'en a marre, Albert, hein! Quoi, monsieur? Arrêtez de ramer! Qu'est-ce qu'il y a? On veut plus ramer? Non, on veut plus ramer! C'est encore toi, Bénure, hein? Et alors, vous voulez plus ramer? Pourquoi? Parce qu'on a la rame! Assez! Que se passe-t-il encore, Centurion? C'est toujours Bénure, Triba Twistus. Il veut plus ramer. C'est vrai, Bénure? Ouais, parfaitement, on en a marre de la musique. De quelle musique? De la musique qu'on nous joue pour nous faire ramer. Le chef, il veut pas changer de disque. Et que voudrais-tu entendre? Eh ben, quelque chose de rythmé qui balance, quoi. Un coup à gauche, un coup à droite, que ça nous donne envie de faire avancer le canot. Timbalier, joue-nous ta musique. En effet, Centurion, cette musique est mortelle. Tu connais autre chose, Timbalier? Ah, ben ça c'est chouette, ça se bat alors, d'accord? Assez! À partir d'aujourd'hui, cette musique sera jouée sur toutes les galères de l'Empire, par ordre du tribun Twistus. En route, messieurs! Ainsi, c'est Bénure qui, grâce à son sens aigu des revendications sociales, lança cette musique allègre 16 ans et 3 mois avant Jésus-Christ. Cette musique, nommée Twistus, en souvenir du tribun, fut jouée pendant des siècles sur les galères. Aujourd'hui, c'est plus ou moins une cause entendue. Les sondages d'opinion peuvent être des armes de manipulation massive. Mais ils peuvent également, quand ils sont bien menés, nous montrer à quel point des démocraties dans lesquelles les citoyens sont mal informés sont des escroqueries conceptuelles. Prenons l'exemple du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. L'Institut IFOP a réalisé une étude pour le compte de nos camarades du journal indépendant Fakir. Les sondeurs ont d'abord demandé aux sondés ce qu'ils pensaient de cet accord de libre-échange, sans plus de précision. La moitié des personnes interrogées s'y sont déclarées tout à fait favorables, ou plutôt favorables, contre 31% de personnes opposées à ce traité, et 19% sans opinion. Et pourtant, quand on évoque la question de l'importation de viande canadienne nourrie aux farines animales, qui est autorisée par le CETA, seuls 11% des sondés y est favorable, alors que 80% d'entre eux basculent dans l'hostilité. Quand la question du principe de l'adhésion au CETA est posée en fin de sondage, après évocation de la mise en danger des normes sanitaires et environnementales, seuls 26% des sondés continuent de se montrer enthousiastes contre 2/3 d'opposants. Il paraît évident que l'ignorance populaire, entretenue par des médias dominants restant à la surface des choses, a largement facilité les choses aux partisans de ce traité dit de nouvelle génération. Nicolas Hulot met la pression sur les députés. Dans une lettre ouverte publiée sur le site de France Info, l'ancien ministre de la Transition écologique leur demande de s'opposer au CETA, ce fameux traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Est-ce que tout est garanti de toute éternité? Jamais. Donc il nous faudra être vigilants. Mais est-ce que aujourd'hui il serait responsable, après le travail fait, de dire ce que nous-mêmes nous avons fait n'est pas effectif? Je ne crois pas. Le CETA prévoit de supprimer les droits de douane pour 99% des produits échangés entre l'Union européenne et le Canada. Deuxième point, le Canada s'engage à réserver 30% de ses marchés publics aux entreprises européennes contre 10% aujourd'hui. Il faut bien voir que globalement, ce CETA est un accord dit de nouvelle génération qui facilite la vie des investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique. Et troisième point, peut-être le plus sensible, c'est le quota des produits agricoles échangés entre l'Europe et le Canada qui sont revus à la hausse avec le Canada qui peut exporter plus de bœuf vers la France qui peut exporter plus de fromage vers le Canada. Ces députés approuvent la ratification du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, par 266 voix contre 213. Le texte a suscité des réticences jusque dans la majorité de La République en marche. 52 députés de La République en marche se sont abstenus et 9 ont voté contre. Le traité de libre-échange, il est antidémocratique, il est opaque. Et d'ailleurs, compte tenu de tout ce qu'il recourt, il mériterait un référendum. Moi, je demande qu'un référendum soit organisé sur le CETA pour le coup. Parce que depuis qu'il est appliqué depuis 2 ans, provisoirement, eh bien, par exemple, le Canada s'est satisfait du fait que ses exportations d'énergie fossile, Jeff Wittenberg, ont augmenté de 63%. À l'heure où nous enregistrons cette émission, le CETA a bel et bien été ratifié par une majorité de députés français. Il est tout de même toujours temps d'en expliquer la nature, la structure et les fondements. C'est pour cette raison que nous avons fait appel à David Kehila, économiste à l'Université d'Angers, membre des économistes atterrés et auteur de l'essai « L'économie du réel face au modèle trompeur ». Pour David Kehila, le CETA n'est pas seulement un accord de libre-échange. Il est beaucoup plus que cela. Et c'est pour cette raison qu'il devait absolument être ratifié par la France. Les députés ont ratifié le CETA, mais ce n'est pas tellement étonnant. Je veux dire, la majorité LREM, c'est une majorité qui est d'essence néolibérale dans ses convictions européenne, et de fait, si la France n'avait pas ratifié le CETA, ça aurait entraîné une crise européenne. Parce que faut rappeler une chose. Le CETA, donc, c'est un accord qui s'appelle un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Donc, ça veut dire que, une partie du CETA a déjà été ratifiée par le Parlement européen. Mais un ensemble d'éléments de cet accord nécessite aussi la ratification de chaque État. Donc des 28 États membres, bientôt 27, puisqu'on pense que quand même le Royaume-Uni devrait quitter l'Union européenne très prochainement. Et sans l'accord des 27 États, eh bien le CETA ne pourrait pas être appliqué en totalité, ce qui rendrait caduque en quelque sorte l'essentiel de l'accord. Puisque les Canadiens, eux, ils ont envie que tout le CETA soit appliqué et non pas une partie du CETA. Alors d'ailleurs, en passant, ce que permet la ratification de chaque État, et dont la France, c'est la mise en œuvre des systèmes des tribunaux arbitraux, qui est très critiqué, à mon avis, à juste titre, parce que ces tribunaux arbitraux, ils servent en fait à trancher les conflits qui peuvent se faire entre les États européens et l'Union européenne et les entreprises. Et de même, l'État Canada et les entreprises européennes, hein, parce que ça va bien sûr dans les deux sens. Et ces tribunaux arbitraux, eh bien, en fait, ils vont en quelque sorte imposer la loi du CETA aux États, le Canada, les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que si les États commencent à prendre des dispositions qui nuisent aux intérêts des entreprises, eh bien, ces entreprises peuvent attaquer ces dispositions. Et pour moi, c'est ça le vrai danger. Et c'est la raison pour laquelle la ratification de chaque État membre est nécessaire, parce que il ne s'agit pas simplement d'un traité commercial. Donc c'est pas juste un problème de droit de l'âne, c'est pas juste un problème de libre-échange. Il s'agit d'un problème de réglementation, et donc ça touche à la souveraineté des États. Au-delà des craintes sur la concurrence exacerbée qui pourrait nuire aux agriculteurs français, au-delà même des craintes sur ce qui peut se trouver dans nos assiettes, le CETA serait d'abord un problème politique, un instrument des entreprises contre les États, que ce soit le Canada, la France, l'Espagne ou l'Allemagne. Et c'est en tant que tel qu'il constituerait un danger mortel pour l'environnement. Le CETA est une manière d'empêcher l'intervention publique dans tout ce qui est commercial. Le problème, c'est que tout est commercial. Je veux dire, par exemple, une des choses qui oppose le Canada et l'Union européenne, c'est la question des pesticides autorisés dans l'agriculture. L'Union européenne a décidé d'interdire ce nombre de pesticides. Le Canada, lui, n'a pas autorisé d'interdire ces pesticides. Le problème, c'est que, comme il produit des fruits et légumes avec ces pesticides, eh bien, lorsqu'on importe ces fruits et légumes en Europe, eh bien, il y a des résidus de ces pesticides qui sont interdits. Et donc, dans ce cas-là, l'Union européenne dit, écoutez, vous n'avez pas le droit d'importer des fruits qui sont chargés de pesticides parce que nous, on considère que c'est mauvais pour la santé. Les entreprises vont donc pouvoir décider que, comme il n'est pas prévu dans le CETA, il n'est pas prévu l'interdiction spécifique de tel ou tel pesticide, eh bien ces interdictions des fruits et légumes qui sont produits avec ces pesticides seront considérées comme, l'interdiction de ces importations seront considérées comme des entraves au commerce. Donc le problème, c'est que derrière les entraves au commerce, en fait, il y a toutes les législations. Par exemple, la question des farines animales, hein, dont on a beaucoup parlé. Le Canada nourrit ses bœufs aux farines animales, les Européens interdisent les farines animales. Donc ça peut être considéré comme une concurrence déloyale. Mais si jamais les Européens décident d'interdire l'importation de bœufs canadiens nourris aux farines animales, les Canada, les entreprises pourront attaquer l'Union européenne en utilisant les principes des tribunaux arbitraux. En fait, ça va très loin parce qu'en fait, on fige en fait la réglementation actuelle. On empêche les pays européens d'améliorer, d'augmenter leur réglementation. Pour bien comprendre l'enjeu qui se pose en matière de hiérarchie des normes et de souveraineté, David Kehla prend l'exemple de la construction des contraintes juridiques posées par l'édifice européen. En fait, c'est un peu la même chose que la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire, elle regarde ce qui est compatible avec les règles du traité, des traités européens. Mais comme il est impossible de changer les traités européens, eh bien, en fait, on ne peut pas introduire des nouvelles réglementations plus progressistes ou plus protectrices de l'environnement. On découvre, par exemple, en Europe, que un certain nombre de pesticides, de pratiques sont nuisibles pour l'environnement. Eh bien, si on veut les interdire en Europe, et si les entreprises canadiennes considèrent que c'est une entrave au commerce, alors les juges ne pourront que constater qu'il n'y a aucun dispositif dans le CETA qui permet l'interdiction. Au contraire, le CETA est là pour dire « vous n'avez pas le droit de mener des politiques protectionnistes, même s'il s'agit de réglementations spécifiques ». Et donc le juge, il sera obligé, de considérer la législation actuelle comme étant la seule valide. En réalité, le CETA prendra en compte des normes déjà existantes au moment de son adoption. Mais après, toute nouvelle norme devra prendre des chemins extrêmement compliqués et sera vouée à être rejetée. Le processus d'élévation des standards sanitaires et écologiques pourrait donc être stoppé net. La volonté politique en matière d'écologie sera complètement bridée par les exigences du business. D'autant plus que la concurrence tous azimuts qui découle du libre-échange a ses effets pervers. On le voit sur la question du glyphosate. Les Européens, il y a 2 ans, ont essayé d'interdire l'usage du glyphosate au moment du renouvellement de cette molécule, qui était très, très controversée. Au même moment, ils ont signé le CETA. Et donc le problème, c'est que le glyphosate, c'est un herbicide. Ça permet de diminuer le coût de production dans l'agriculture. Ça permet d'éviter le désherbage mécanique et d'utiliser donc un désherbage chimique. Si on interdit le glyphosate en Europe et qu'il est autorisé au Canada, ça va augmenter le coût de production agricole en Europe. Or, avec le traité de libre-échange, les agriculteurs européens sont en concurrence directe avec les agriculteurs canadiens. On en arrive à une question impossible à contourner, l'impasse du capitalisme vert, l'impossibilité de faire converger les exigences environnementales avec celles de l'augmentation constante des échanges internationaux, l'imposture de la main invisible du marché. En fait, derrière la religion du libre-échange, il y a la religion du marché. Et oui, c'est alarmant de considérer que le moins coûteux doit forcément être la solution qu'il faut mettre en œuvre. Le moins coûteux n'est pas toujours le meilleur au niveau environnemental, au niveau social. Et bien sûr que si on veut préserver les ressources de la planète, il ne faut pas uniquement considérer qu'on va y arriver par des mécanismes marchands. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en Europe, c'est considérer que on va taxer le CO2 et puis comme ça, vous allez voir, le marché magiquement va faire en sorte que on va devenir tous vertueux. En réalité, ça marche pas comme ça, parce que par exemple, on taxe le gasoil. On dit aux gens, maintenant, arrêtez de prendre vos voitures, on va vous taxer le gasoil, comme ça va vous inciter à plus prendre votre voiture. Mais s'il n'y a pas de transport public à côté, les gens ils vont continuer de prendre leur voiture. Ça va être une ponction supplémentaire, ce pouvoir d'achat. Si on pense que le marché lui-même va mettre en œuvre des systèmes de transport public, on se trompe lourdement. Le marché n'est pas stratégique. Le marché n'interdit pas dans la finance des bulles financières et des cracks. Si on fait confiance uniquement aux mécanismes de marché et qu'on interdit aux États d'intervenir dans l'économie, je pense qu'on ne va pas du tout aller dans le sens d'un environnement et d'une économie soutenable. Bien entendu, on peut opposer au raisonnement de David Kehila des chiffres qui font tilt, surtout dans un pays comme la France, qui souffre d'un taux de chômage élevé et a bien du mal à exporter. 90% du texte est déjà rentré provisoirement en vigueur depuis la fin 2017. Et d'ailleurs, en France, on a commencé à chiffrer les premières retombées économiques qui sont plutôt positives, puisque vous avez l'excédent commercial qui est passé de 50 à 450 millions d'euros. Vous avez les exportations françaises qui ont progressé de 6,6% vers le Canada. Paradoxalement, on voit aussi que les importations du Canada vers la France, elles ont reculé à cause des tensions commerciales avec la Chine. Autre point important, le Canada n'a utilisé que 2% des quotas possibles d'exportation de bœuf vers la France. Pourquoi ? Tout simplement parce que une grande partie de la filière bovine au Canada ne respecte pas encore les règles en vigueur chez nous. En gros, loin de tous les effets d'annonce alarmistes, le CETA profiterait structurellement à l'économie française, à la croissance française, aux emplois français. Pourquoi donc faire la fine bouche ? La réponse de David Kehila. Il est vrai que la filière bovine canadienne, c'est pas vraiment à, doit réorganiser ses modes de production et que c'est beaucoup plus long pour pouvoir exporter en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on interdit le bœuf aux hormones, de fait. Donc tout ce qui est produit avec des hormones, eh bien ça c'est écrit dans le CETA, donc ne peut pas être importé. Donc il faut créer une filière sans hormones de croissance pour les bœufs. Moi je suis persuadé que ça va finir par arriver. C'est-à-dire que concrètement les Canadiens sont pas plus bêtes que les Européens et ils ont aussi bénéficient d'avantages spécifiques, des fermes extrêmement vastes, un coût de la terre extrêmement faible, et donc ils ont des avantages que les Européens n'ont pas. Maintenant, doit-on se réjouir parce que on exporte davantage au Canada ? Je veux dire, est-ce que ça rend les Français plus heureux ? Est-ce que véritablement, et moi je pose la question, est-ce que véritablement exporter des fromages au Canada ou importer du bœuf du Canada, est-ce que ça montre qu'on est plus fort. Je veux dire, est-ce que c'est un intérêt collectif ? Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on a besoin de produire du fromage pour le Canada ? Est-ce que le Canada a besoin de fromage ? Est-ce que on peut pas produire la viande pour nous ? Le problème, il est que là, on est en train de dire, regardez, c'est génial, on a exporté plus de fromage ou plus de vin au Canada. Mais est-ce que vraiment, c'est ça le but d'une organisation soutenable de l'économie ? Est-ce que maximiser les balances commerciales, ça doit être au cœur de toutes nos politiques ? Moi, franchement, je pense pas. Je pense qu'une politique raisonnable, c'est une politique qui permet à la population de se nourrir elle-même. En Europe et en France en particulier, on a un souci avec notre agriculture. Je rappelle quand même que la France était le pays le plus puissant d'un point de vue agricole pendant de tout temps, depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'agriculture française est en train de s'affaiblir considérablement. Le mode de production aujourd'hui en agriculture n'est pas bon. On voit d'ailleurs qu'en Europe, les trois quarts des insectes disparaissent dans les zones protégées en Allemagne. C'est une étude allemande qui a démontré ça. Le nombre d'oiseaux disparaît parce que les insectes disparaissent. Ça, c'est un indicateur que l'agriculture fonctionne mal. Au lieu de s'intéresser sur comment on va intensifier encore la concurrence dans l'agriculture avec les traités de libre-échange, on ferait mieux de s'intéresser à la manière dont on va sauver nos insectes et nos oiseaux. Le libre-échange, nous explique de nombreux spécialistes, a un avantage déterminant. Les chaînes mondiales de valeur qu'il a consolidées permettent de tirer les prix de nombreux produits vers le bas, ce qui bénéficie naturellement aux consommateurs. Pour David Kehila, ce n'est pas si sûr. Le libre-échange, aujourd'hui, pour moi, effectivement participe à la construction de l'économie mondiale telle qu'elle se fait, et effectivement a eu aussi quand même un effet positif, on va dire, sur le pouvoir d'achat, dans le sens où il a réduit fortement les prix, notamment les prix des biens industriels. Et donc on dit, regardez, si on n'avait pas eu le libre-échange, les prix seraient bien supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Sauf qu'on oublie de voir que les gens ne sont pas tous que des consommateurs, sont aussi des producteurs. En fait, on a envie dans l'économie de dissocier un peu, dans les théories de libre-échange, dissocier un peu le consommateur du producteur, en disant, regardez, les prix ne montent pas, regardez comme c'est bien pour vous, consommateurs. Oui, mais les gens travaillent aussi. Et si ça veut dire perdre son emploi et délocaliser une entreprise, il n'est pas sûr que la baisse des prix soit si bon pour les gens. Moi, je pense que revenir sur le libre-échange ne signifie pas forcément arrêter de commercer avec tout le monde. Ça signifie simplement se poser la question de l'intervention politique dans l'économie et dans le commerce. Le libre-échange, ça veut dire en fait, simplement, étymologiquement, on n'interfère plus dans le commerce. on laisse les individus décider des prix et les manières de faire. C'est-à-dire que on va considérer que commercer avec la Chine, par exemple, où il n'y a pas de liberté syndicale ni vraiment de liberté politique, ça n'est pas un problème. Commercer avec un pays dans lequel les salaires sont extrêmement faibles, ça n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que ce qu'on récupère est moins coûteux que ce qu'on aurait produit nous. Oui, mais on ne peut pas raisonner que comme ça. Il faut aussi se poser la question du est-ce que d'abord c'est un système qui peut tenir à long terme ? Que se passe-t-il le jour où il y a une révolution en Chine et où les usines s'arrêtent ? Nous, est-ce qu'on aura encore accès à des biens, des matériels qui sont absolument indispensables à notre économie ? Est-ce que en exploitant l'ouvrier qui est payé 25 euros par mois, est-ce que on se rend pas un peu complice de cette exploitation ? Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas hypocrite en mettant en œuvre, et c'est normal, des règles sociales et environnementales dans notre pays, mais en considérant que dans les autres pays, toutes ces règles sociales et environnementales, finalement, si elles ne sont pas appliquées, ça nous bénéficie. On est en train de dire, regardez les efforts de l'Europe dans la baisse des émissions de CO2. C'est vrai, les émissions de CO2 ont baissé. Oui, mais pourquoi ? Parce que on a exporté la production ailleurs. Donc, nous, on pollue moins chez nous, mais on pollue plus ailleurs. Mais on a un problème de climat global aussi. Donc, c'est pas en exportant la pollution dehors de ses frontières qu'on va résoudre le problème. Au cours de la conversation que j'ai eue avec David Keïla, nous sommes à plusieurs reprises sortis de l'économisme et avons évoqué des questions liées à la géopolitique, au droit, à l'écologie, à l'éthique, etc. Et pourtant, les analystes et chroniqueurs habituels de l'économie continuent de considérer leur domaine comme indépendant du reste. Il faut dire que les indicateurs les plus utilisés pour évaluer l'efficacité des politiques économiques ne prennent toujours pas en compte la crise climatique, considérée par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz comme la troisième guerre mondiale. Une guerre qui, bien entendu, a déjà commencé. On peut se poser la question, oui, mais comment va-t-on retrouver dans les chiffres économiques la question de est-ce que le CETA est bon ou mal ? Bah, peut-être qu'il ne faut pas regarder les chiffres économiques. Peut-être qu'il faut regarder la question des insectes, la question de la préservation de l'environnement, la question des ressources en eau. Aujourd'hui, on produit beaucoup de maïs aussi en France, alors qu'on est en situation de sécheresse. C'est absolument stupide de produire autant de maïs. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une agriculture qui soit extrêmement intensive ? Enfin, c'est ces questions-là. Est-ce que le bien-être animal est assuré dans nos exploitations agricoles ? L'économie n'est pas une science des finalités. L'économie, c'est une science des moyens. C'est-à-dire, l'objectif ne peut pas être un objectif économique. L'économie est au service de la société. Moi, je suis persuadé que le problème de notre époque aujourd'hui, c'est qu'on met, au contraire, la société au service de l'économie. On prend les indicateurs économiques comme les valeurs ultimes de ce qu'il faudrait faire. Mais non. Au final, ce qu'il faut faire, c'est une société vivable, qui protège son environnement, dans laquelle les gens ont du travail et sont heureux de vivre. C'est pas une société qui va maximiser sa balance commerciale que je défends. La réflexion sur les indicateurs est une réflexion qui est extrêmement intéressante. Moi, personnellement, j'ai pas trop travaillé sur ces questions. Je pense qu'il faut éviter deux écueils. Le premier, c'est de dire, regardons au feeling comment c'est. C'est-à-dire, n'utilisons aucun indicateur parce que les indicateurs vont forcément nous mentir. Ça, je pense que non, il en faut des indicateurs. Et le PIB est aussi un indicateur utile, à condition d'être replacé dans un contexte. C'est-à-dire se dire, bon, le PIB n'est pas l'objectif de toutes les politiques, la croissance du PIB. Mais c'est un indicateur utile pour comprendre des choses. La même façon, on ne peut pas tout mettre, tout paramétrer avec des indicateurs. On ne peut pas dire, cette société est bonne parce que on a regardé un tableau de 15 indicateurs et que tous sont bons. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont non quantifiables. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la seule manière de résoudre ça, c'est la démocratie. C'est-à-dire que c'est à la population, au pouvoir politique, de se saisir des objectifs d'une société et de mettre l'économie au service de ces objectifs. Et ça, c'est pas forcément des indicateurs. Le problème de faire que des indicateurs, c'est finalement que on va plus rendre compte à la population, quoi. C'est-à-dire que on va avoir des objectifs qui sont pas des objectifs de société, hein, déterminés par la démocratie, mais maximiser tel ou tel indicateur et puis regarder, moi j'ai fait un bon boulot. Et ça, c'est pas un boulot de politique, ça c'est un boulot de gestionnaire. On en arrive au fond de l'affaire, la démocratie. D'un point de vue formel, la ratification du CETA par l'État français s'est faite de manière démocratique. En réalité, c'est une majorité macroniste représentant moins de 20% des inscrits, dont on a vu qu'elle s'est divisée à la faveur de ce débat crucial qui s'est exprimé au nom d'un peuple mis de côté. Plus les enjeux sont vitaux, plus l'évidence du caractère factice des institutions censées parler au nom du peuple, prend le visage d'un scandale difficile à avaler. Et plus les formes les plus radicales d'expression de l'urgence écologique sont plébiscitées par la jeunesse dans l'Hexagone, en Europe et peut-être demain dans le monde entier. À 25 ans, quand j'ai connu l'odieux, je ne vous le cache point, je les mots comme mes deux yeux. Pour l'éprouver, je le marie au albradrille. Je compte enfin bien avoir un sort heureux. Mais je n'avoue point plus de 3 semaines de ménage. Quel retourneau, déjà tout d'un mason. Que de faux j'ai dit, un pincin au mariage. Si j'avais su, j'aurais resté garçon. Si j'avais su, j'aurais resté garçon. Auparavant, elle n'est au point coquette. Même le dimanche, elle met au point de capillot. Acheteur la belle, il y faut de la toilette. À chaque saison, il y faut du nouveau. À le pou de riz, elle barboule son visage. Elle frise stiette, tout comme un qui un mouton. Elle se gasconne, faut un tas de saint lagage. Si j'avais su, j'aurais resté garçon. Si j'avais su, j'aurais resté garçon. Comme tous les jours, une nouvelle maladie est découverte par tous ces braves médecins. Contre les microbes, elle prend de garantie un avalant du genève tous les matins. Dans les cantines, jusqu'on vint à mesure. Elle est connue, tout à fait comme l'houblon. À tous les repas, je mange des pentières à l'plure. Si j'avais su, j'aurais resté garçon. Si j'avais su, j'aurais resté garçon. Je ne gêne qu'un vous, verrez qu'un saint n'y touche. Vous parle d'amour, un abâchant ses yeux. Méfiez-vous-en, car bien souvent chez louche, faire du battement, chez ce qu'une femme elle fait de mieux. Un faux marié, chez le boulet pour la vie, qu'il faut traîner, hélas sans rémission. J'en ai la preuve, pas me puante de l'audit. Si j'avais su, j'aurais resté garçon. Si j'avais su, j'aurais resté garçon. Vous vous souvenez peut-être de la sortie de Ségolène Royal l'an dernier. La ministre, qui était vent debout contre les sociétés autoroutières, avait demandé la gratuité des péages le week-end. Elle n'a pas eu lieu, pas plus que la nationalisation des autoroutes, qu'appelle de leur vœu beaucoup d'usagers. On va recevoir l'un de leurs représentants dans un instant, on verra si c'est ce qu'ils souhaitent. D'abord, les autoroutes doivent-elles rentrer dans le giron de l'État? C'est la question qu'on se pose avec Céline Agostini. Depuis 9 ans, les autoroutes sont privées en France. De grands groupes tels que Vinci, Eiffage, la Saner se partagent près de 7850 km de voies rapides. Mais la vindicte gronde et certains se demandent s'il ne faudrait pas nationaliser les autoroutes. Parmi les reproches, des péages trop chers et des bénéfices records. Alors, qu'en est-il vraiment ? Nous avons montré que ce n'était pas le cas. Qu'entre la dette qui a été reprise de la part des sociétés d'autoroutes, l'achat à l'État des concessions d'autoroutes, l'entretien qui a eu lieu, les sociétés d'autoroutes ont respecté les engagements contractuels avec un taux de rentabilité tout à fait normal. Surtout, ils ont empoché massivement des dividendes. Ce qui d'ailleurs a fait dire et à la Cour des comptes et à l'autorité de la concurrence, excusez du peu, qui sont d'habitude quand même pas des fanatiques de l'intervention publique directe, qu'il y avait eu une rente inacceptable et qu'il fallait s'attaquer à cette rente. Pour Marie-Noëlle Yenneman, vous avez compris, il faut nationaliser les autoroutes. Mais cela aurait un prix, 15 à 20 milliards d'euros selon une commission parlementaire. Alors l'État a-t-il les moyens d'une telle entreprise ? Quand on regarde les bénéfices qui sont réalisés, on se rend compte que l'État rentre très vite dans ses investissements et même dégage des bénéfices. Il faut dédommager les concessionnaires d'autoroutes et les situations des finances publiques ne sont pas excellentes, comme vous le savez en ce moment. Et puis deuxièmement, ça nécessiterait de reprendre probablement un certain nombre d'emplois des concessionnaires pour permettre l'entretien des sociétés d'autoroutes ou l'amélioration de ces autoroutes. Les emplois, c'est l'un des points d'accroche du débat. Car que faire des 15 000 salariés employés par les sociétés d'autoroutes privées ? Comme par le passé, je vous rappelle que c'était des sociétés d'économie mixte nationale, des sociétés nationales. Les salariés étaient salariés de ces entreprises nationales. Et évidemment, ils auraient ce statut qui ne modifierait en rien, voire améliorerait leurs conditions actuelles. Ok, mais la question qu'on se pose tous, est-ce que les péages seraient moins chers pour nous automobilistes si les autoroutes étaient nationalisées ? Car public ou privé, il faudra toujours sortir 600 millions d'euros par an pour les entretenir et les faire tourner. Il y a deux autoroutes qui sont toujours nationalisées dans l'est de la France et les tarifs ne sont pas inférieurs aux sociétés, aux autoroutes privatisées. On ne va pas passer aux autoroutes gratuites. Je pense qu'on peut avoir des politiques de tarifs qui n'augmentent pas de façon démesurée dans le temps. Et on peut aussi revoir la part de qui paye quoi. De ce point de vue, d'ailleurs, il est prévu quand même une modulation en fonction de la qualité environnementale des véhicules. Concrètement, avec une nationalisation, finit la flambée des prix au péage. Quant aux bénéfices, ils pourraient servir à financer d'autres infrastructures, qu'elles soient routières, fluviales ou ferroviaires. Des avantages non négligeables. D'ailleurs, près de 80% des Français sont déjà favorables à la nationalisation. Et pour en parler, nous sommes avec Laurent Ekay, fondateur de automobileavenir.fr, un club de réflexion sur la mobilité. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces Français qui sont pour la nationalisation ? Alors, le mot nationalisation n'existe pas. C'est vrai qu'on le voit dans les médias, mais ce n'est pas ce qu'avaient proposé des parlementaires qui, en force, proposaient en fait une remise à plat du système. Revenir en fait à un système beaucoup plus simple, parce que tout simplement les contrats qui existent aujourd'hui et qui lient les sociétés d'autoroutes à l'État ne sont plus adaptés à la situation économique. Pourquoi ? Parce que ces contrats ont été créés à un moment où il fallait développer un réseau autoroutier. Donc on l'a mis en place dans les années 68-70. On a développé un beau réseau routier, performant, que les Français apprécient, que les étrangers aussi nous envient. Donc ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on a un système qui est privatisé que depuis 2005. Donc l'effort de développement des autoroutes et l'effort financier a été porté par des sociétés qui étaient à l'époque propriétés de l'État, qui s'est désengagé en 2005. Les sociétés sont aujourd'hui privatisées, mais fonctionnent avec des contrats qui n'ont pas changé au moment de la privatisation, mais qui font que les conditions qui sont fixées dans ces contrats ne sont plus adaptées, et notamment la politique tarifaire, parce qu'il faut savoir tout simplement que chaque année, les péages sont décidés entre l'État et les sociétés. Donc il n'y a rien de secret mais dedans. Mais les péages, ils ont été gelés cette année. Ils ont été gelés, mais alors on va en reparler rapidement. Mais il y a une loi tarifaire dans ces contrats et on peut considérer que cette loi tarifaire n'est plus adaptée à la réalité économique, tout simplement. C'est-à-dire ce qu'on disait, c'est trop au bénéfice des sociétés et plus du tout à celui de l'État et encore moins celui des usagers. Alors ces sociétés sont devenues rentables au moment de la privatisation. Donc effectivement, ceux qui procèdent les contrats aujourd'hui bénéficient de cette rente autoroutière, rente qualifiée de rente par l'autorité de la concurrence qui défend effectivement les consommateurs. Donc cette rente autoroutière, elle rentre directement aujourd'hui dans les poches d'entreprises privées. Et le problème que nous avons, je vais le relier avec des sujets que vous avez déjà traités certainement ici, qui est l'écotaxe. Les fameux bonnets rouges nous ont supprimé l'écotaxe. Il n'y a plus donc cette rentrée d'argent qui était nécessaire au financement des infrastructures. Donc la question de fond était de se dire, est-ce que cette rente autoroutière, qui aujourd'hui va dans les poches de sociétés privées, doit-elle être remaîtrisée par l'État pour financer les infrastructures de transport? Et donc c'est possible si on dénonce les contrats, et c'est possible de les dénoncer parce qu'il y a une clause qui le prévoit. Ah, ça va coûter un peu cher, ça dit. Oui. Alors je vais revenir là-dessus. Mais là, pardon, mais les contrats, ils ont été prolongés, mais les sociétés autoroutières, elles se sont engagées à financer à hauteur de 3 milliards 200 millions d'euros les travaux. Alors, voilà pourquoi on est à la croisée des chemins, parce que soit il y a reprise des contrats, ce que n'ont pas obtenu les parlementaires malgré leur débat, ils ont été privés de débat, il y a une grosse parodie de débat, une frustration de débat, et on s'achemine vers ce qu'on appelle un plan de relance autoroutier. Ce plan de relance autoroutier fait qu'en contrepartie de 3 milliards d'euros d'investissement, les sociétés vont bénéficier d'un allongement de la durée de concession allant de 2 à 4 ans. Donc ce qui veut dire 15 milliards. Voilà, et vous avez dit tout à l'heure que le 2015 ça devait être non augmenté, ça n'a pas été gratuit, ça a été non augmenté. Il faut simplement savoir que cette non augmentation sera reportée sur les péages en 2019, 2020, 2021, 2023, qu'il y a eu aussi une augmentation de de taxes. Donc on finira par payer, quoi, c'est ça ce que vous dites. Non, mais de toute façon, cette situation est très confortable pour les sociétés. Elles n'ont rien perdu. Elles n'ont même qu'engrangé de nouveaux bénéfices qu'elles vont faire dans la durée qui va être prolongée. Et il n'y a qu'une personne qui est impactée. C'est le péage et l'usager. Point final, malgré toutes les déclarations des politiques aujourd'hui. Gérard. Premièrement, je pense que c'est se faire des illusions dans l'état budgétaire actuel que de penser qu'il n'existait plus des sociétés privées, mais l'État, les péages vont diminuer. Non, il y aura toujours péage. Il y aura péage au l'utilisateur payeur. Au même montant. Au même montant. Il ne diminuera pas. Pourquoi? Un, parce que si on annonce les contrats, et vous parliez de l'exemple de l'écotaxe, l'État, on est dans un État de droit, l'État est obligé d'indemniser les sociétés autoroutières. Et il peut le faire. Non mais... Deux, ah, il va le faire, deux, ça 20 milliards. Enfin, c'est, deux, s'il n'y a plus les sociétés autoroutières, l'État doit entretenir, voire développer les autoroutes, avancer l'argent pour ça. Si vous croyez qu'en contrepartie de cela, dans la situation budgétaire actuelle, on peut diminuer les péages, on le vendra peut-être politiquement, financièrement, ça ne se fera jamais. Je voulais simplement dire une chose. Juste une chose, et je vais terminer. On ne connaît pas d'exemple où l'État perçoit une rente et où il décide de la diminuer. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il n'est pas question de penser que les autoroutes sont gratuites. Tout simplement, par contre, l'État a les moyens de racheter. Tout simplement parce que pour l'État, trouver de l'argent, ce n'est pas un problème. 20 milliards, monsieur. C'est rien du tout. Non, mais attendez, cette dette, cet emprunt, s'ils empruntent, n'ont rien à voir avec la dette publique. Ce n'est pas une dette, ce qu'on appelle maastrichtienne. L'État et l'Europe l'a bien précisé. Ce qui veut dire que si vous investissez pour emprunter, vous avez une contrepartie qui s'appelle le péage. Et grâce au péage, vous allez rembourser votre emprunt. C'est ce que font les sociétés autoroutières qui ont 21 milliards d'endettement. Et la Cour des comptes a bien dit qu'avant la fin des concessions, ces emprunts seront largement remboursés. C'est ce qui se passe comme d'habitude. C'est-à-dire que si ça ne suffit pas, peut-être même, je ne suis pas d'accord, on veut baisser un petit peu le niveau des péages, mais c'est les vases communicants. Non, mais... ce n'est pas l'usager. L'automobiliste qui paiera, c'est le contribuable. Non, mais c'est l'usager comme qui doit payer. D'habitude. Aujourd'hui, c'est pas le contribuable, c'est l'usager qui paye. Et dans le système aujourd'hui, j'aimerais simplement porter à la connaissance des téléspectateurs quelque chose qui existe. C'est le périph' nord de Lyon qui est concédé entre la municipalité de Lyon et Sanef, qui est une société que vous avez citée dans votre reportage. Cette concession, elle est très simple. Sanef fait des investissements et exploite, entretient l'autoroute, mais ne perçoit pas le péage. Le péage est perçu par la municipalité qui, avec ce péage, va payer un loyer d'exploitation à la société qui exploite et un loyer d'investissement pour rembourser les investissements qui sont faits. C'est ce qu'on appelle une régie intéressée. La logique aujourd'hui, c'est de dénoncer les contrats, de laisser à des sociétés privées l'exploitation des sociétés d'autoroute et l'investissement. C'est un accord tripartite gagnant-gagnant, cher monsieur, État, usager et société. Alors qu'aujourd'hui, l'accord est simplement favorable aux sociétés autoroutières. Donc ce que vous demandez, ce n'est pas la nationalisation, mais c'est une remise en place du système plus vertueux, et qui doit permettre une chose, qui doit permettre d'avoir une politique tarifaire qui ne dissuade en aucun cas les usagers de prendre l'autoroute, qui sont des vraies voies d'utilité publique et de sécurité routière. Et c'est important de remettre le système à plat. Il est dommage, tout simplement, que le gouvernement n'ait pas voulu entendre la majorité qui s'est clairement exprimée dessus. Ça, c'est quand même curieux en France de ne pas avoir ce débat démocratique sur ces infrastructures. Bon, en attendant, Mélanie, dans l'immédiat, il y a des petites solutions quand même pour essayer de payer ces péages un petit peu moins chers. Voilà une initiative qui a été prise notamment et votée par les députés il y a peu de temps, qui permet aux covoitureurs, donc au covoiturage, de payer moins cher au péage, les abonnements au péage. Bon, ça, c'est un premier test, une première initiative qui est lancée. Et puis aussi, j'ai découvert qu'il y avait des tarifs heures creuses sur certaines autoroutes. Quand ils décident de les appliquer. Voilà, quand ils décident de les appliquer. Par exemple, sur la 1, entre Lille et Paris, j'ai vu que si vous sortiez pour éviter les embouteillages dans la capitale, si on sort quelques sorties en amont de la capitale, vous pouvez réduire votre facture de 25%. Alors, ce n'est pas tous les jours, c'est le dimanche, les lundis fériés. Et après, tu dois prendre des petites routes. Et après, tu prends des petites routes jusqu'à Paris. Tu es à hauteur de Senlis, par exemple, et tu roules jusqu'à Paris. Mais pour ceux pour qui c'est important et pour faire baisser la note, ou ceux qui prennent très souvent l'autoroute, Il y a des politiques tarifaires qui auraient pu être mises en place. Jusqu'ici, les sociétés n'ont pas fait l'effort. Peut-être que le fait qu'elles soient aujourd'hui un peu malmenées dans un débat public peut-être les amener à réagir et à prendre en compte l'usager, qui est un client pour eux, mais qui est avant tout un usager. Il y a quelqu'un qui nous dit, en tout cas, je boycotte moi les autoroutes suite aux augmentations de tarifs. Donc effectivement, ce que tu dis, ça peut avoir un impact. C'est pas bien pour la sécurité. Pour terminer, vous avez saisi la Cour de justice européenne, je crois. Alors, pour les usagers, effectivement, aujourd'hui, n'ont pas eu écoute par la voie démocratique que sont les parlementaires, qui sont frustrés. Donc le seul outil aujourd'hui, c'est les recours devant le Conseil d'État. C'est aussi des recours devant le tribunal européen. Voilà, c'est simplement pour poser des questions et avoir réponse aux questions que nous nous posons. si la démocratie est respectée, il n'y aura pas de problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a trop de manque de transparence sur ce dossier. Les politiques eux-mêmes le reconnaissent. C'est dommage que Bercy a une mainmise extrêmement forte sur ce dossier autoroutier. Eh ben, merci en tout cas d'être venu répondre merci à nos questions, merci Laurent. Ouais. Allez. T'endors pas, Fredo. On a encore de la route à faire. Fais pas, là. J'ai fait la pause café, je peux tenir le choc jusqu'à Montélimar. Bon, vu qu'on n'ait pas de brouillard. On verra bien. Tiens, en attendant, mets toujours route de nuit. Ça nous fera passer le temps. Et, amis routiers, souvenez-vous que les camions Souchebir sont les seuls camions équipés de sièges Louis XVI à pied galbé. Camion Souchebir, un vrai plaisir. Et maintenant, amis routiers, un peu de musique. Vous allez écouter le premier mouvement du quatuor numéro 600, si bémol majeur, opus 18, de Ludwig van Beethoven. Tu diras ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet Allegro de Beethoven, on retrouve encore vachement l'influence d'un Mozart. Faut dire que c'est la période charnière de l'évolution beethovenienne. Oui, je sais bien, mais avoue que c'est plus sensible dans l'Allegro que dans l'Adagio. Hein. Ouais. C'est en filigrane, quoi. Bah, par le fait, c'est sa deuxième manière à Beethoven. Dans le premier thème, il fait un large exposé. Alors forcément, dans l'Adagio Manon Troppo, quand le premier violon et le violoncelle, ils attaquent à l'unisson, eh ben, on sent déjà que ça va s'épanouir en contrepoint. T'as raison, on sent. Tu sais, comme le disait Delacroix, dans le Beethoven des quatuors, on respire déjà la mélancolie qui trahit un feu intérieur. Je l'ai pas vu celui-là avec son scotter. Oh, les deux roues, faut se les goinfrer. Oh, c'est pas vrai. Tiens, tiens, écoute le pianissimo d'ici, c'est enlevé. Ce quatuor, ami routier, pour vous rappeler que Beethoven ne connaissait pas la gamme. La gamme, il ne connaissait pas la gamme des camions Souchebir, bien entendu. Et souvenez-vous, camion Souchebir, un vrai plaisir. C'est ça. Tous ceux qui commencent sérieusement à nous bassiner avec leur publicité. Hein. Oh, t'as raison. Ils ont coupé juste au moment de la montée chromatique. Ouais, le plus beau passage, ouais, quoi. Je pense bien, c'est le passage en la bémol mineur. Deux altérations à la clé. Ouais, exactement. Enfin, comme ça, c'est comme ça. C'est du Bach, maintenant. Ah oui, c'est du Bach, c'est pas du Verschuren. C'est qui joue, là? C'est François Chombier, ça, hein? François Chombier. Eh ben. T'as vraiment pas de feuille, oh, hein? François Chombier, tu reconnais pas l'attaque, c'est Adrien Flambard. Allez. Ah, Chombier, il joue plus mou dans les aigus, quoi. Ouais, ouais, ouais, t'as peut-être raison. Bah, je veux, ouais, j'ai raison. Chombier. Le samedi dernier, je vais de nouveau emmener les mômes à Saint-Louis des Invalides pour entendre Dupré. Ah, il est bien Dupré, hein. Ben, comment qu'il est bien? C'est un client, celui-là. Oh, c'est quelqu'un. Oh, hein. Dupré, il fait le poids. Hein. Bien, bien. Remarque, bien, je vais te dire, à la réflexion, des fois, dans les motets, tu vois, surtout ouais. dans le 16e, je trouve qu'il force un peu sur la viole de gambe. Ouais, ça, des fois, il a la registration touffue. Mais quand il a un bon instrument, comment qu'il se défend? Bien, l'année dernière, avec Memen, on est allé l'écouter à Notre-Dame. Elle nous a fait chialer. Ah, il les éteindra pas, ces farces, cet abruti. Oh, la salle. Oh, ça va pas la tête, non? J'ai dit. T'es pas fatigué, Fredo? Tu veux pas que je te reprenne un peu? Penses-tu? Tu peux oublier, si tu veux. Oh, ben non, maintenant qu'on vient de causer, j'ai plus de sommeil. Ah, je vais lire un peu, tiens. Qu'est-ce que c'est que tu lis? Peggy. C'est chouette, Peggy, hein? Bah, je vais te dire, surtout, c'est pas lassant. Hein. Oh. C'est Tutur qui m'a donné ce bouquin. Tu connais Tutur? Je vois pas, non. Tutur, le grand rouquin qui fait Paris-Strasbourg avec son 12 tonnes. Ah oui, c'est... Par un routier, j'avais réparé son démarreur. Ben, pour me remercier, il m'a filé tout payé. Mais il s'est pas foutu de toi, hein. Tout se value, mais... Qu'est-ce que je me régale. Dis donc, Bébert, tu serais chouette. Tu sais ce que c'est que tu ferais? Tu m'en lirais un peu, tout haut. Ouais. Je suis Jeanne la pure. Je suis faite pour respirer la fleur des champs, faite pour entendre le vent dans la branche du Seigneur, faite pour tremper la soupe de mes frères et broder la chasuble de mon père putatif. Est-ce que t'interprètes bien Peggy, bébé? Je suis l'arbre dressé dans le vent de la chrétienté. Je suis la montagne mystique où pousse l'olivier de l'éternel. Je suis la pierre blanche où repose la tête du voyageur. Je suis le souffle de la vérité. Je suis l'agneau bêlant contre le flanc de l'église. Et saigne mon cœur et pleure mes yeux. Et s'ouvre ma bouche pour crier la peine du monde. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, frère? C'est tellement triste, ton pays, tu sais. J'ai choisi le passage le plus marrant. Non, il vaut mieux que t'arrêtes parce que... Moi, je vois plus clair, hein. Mais je suis glace. Moi, ça va me passer, mais il faut que je me ressaisisse, quoi, ouais, c'est tout. Il vaut mieux que t'arrêtes, puis voilà. Oh, bah voilà, ça... Fredo. Toi. Tu m'aimes? Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage... C'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. Et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Ils étaient usés à 15 ans. Il finissait en débutant les 12 mois, s'appelait décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents, entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être, 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre, oui notre monsieur, oui notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu lorsque l'on part. Aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs,